Alors tout d'abord, j'ai écouté tous les méga feux aux membres du Ruche, parce que je pense que tout le monde en fait partie, en espérant que le réseau aura encore une très longue vie. Et cette séance, la première séance de cette année, donc on accueille Alain-Gilles Chaussard pour nous parler du sarrasin comme élément de remplacement dans des environnements difficiles. Oh, oui, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on va essayer de voir. Voilà. Et à la période moderne Oui, là je... Vous n'avez pas précisé le... Ah oui, c'est vrai. Le... Mais... Alors, ma thèse, c'est sur... normalement, c'est 15-19. Sachant que 15e, c'est simplement, on a quelques... C'est le début, on a quelques mentions. Il y a même... Alors après, il y a... Il y a des études qui ont été réalisées en... carpologie, je ne sais pas, non, peut-être pas carpologie, mais palynologie, c'est sûr. On a trouvé du pollen de sarrasin, mais moi je ne le prends pas, là j'en parle pas, je ne le prends pas en considération, je prends le 15e comme période où on est sûr que le sarrasin a été domestiqué et cultivé. Ah, bon. Donc, voilà. Pour les périodes antérieures, j'en parlerai dans ma tête, je reprendrai les choses, mais ce n'est pas le propos ici. Et donc jusqu'au 19e, je vais jusqu'à 1918, puisqu'on a une crise, on a même une guerre. Et on verra que le sarrasin joue un rôle, enfin pas dans la guerre, malheureusement, mais dans les populations de l'Orne. Pour un petit peu, j'en parlerai juste vaguement. Juste un mot encore pour vous situer par rapport aux autres. Donc vous êtes en thèse de doctorat, donc à l'Université de Mauricio. Dans toute amitié, vous pouvez vous répéter de l'histoire rurale. Alors ben justement, au début c'était Monsieur Maurice, vous auriez dû avoir. Donc il m'a dit est-ce que vous voulez bien me remplacer. Alors je lui ai dit oui, mais j'ai pas les épaules assez grandes pour faire quelque chose sur l'historiographie de l'histoire rurale, d'autant plus que je ne suis pas ruraliste au départ, donc je suis un imposteur. Je viens de l'histoire des techniques. Je vais vous montrer rapidement deux, trois petites choses que j'ai faites. Et je travaille toujours, parce qu'on va voir le lien avec le sarrasin d'ailleurs, sur les moulins à main. Et c'est en fait, j'ai commencé par travailler sur les banalités, four et moulin. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, d'accord. Pas de problème. J'ai toujours l'habitude de parler avec peut-être un public qui est moins spécialisé. Donc les banalités, j'ai pu lire un petit peu les problèmes qu'il peut y avoir avec les meules à main, notamment avec un article dans les annales de Marc Bloch en 1935, je crois, et ça m'avait intéressé. Et j'ai eu la chance de passer, d'avoir un stage avec le Conseil général de la Manche, dans le service des musées, pour étudier une collection de meules. Et donc pendant un an, j'ai étudié cette collection. Et ensuite, la deuxième année, j'ai voulu aller plus loin. C'est pour ça que j'ai travaillé avec le groupe Meule de l'ENS, avec Olivier Buchenschutz. Et là, par contre, ce sont des proto-historiens et des antiquaires. Mais c'était indispensable pour se forger une méthodologie, puisqu'il n'y a personne qui travaille sur les meules pour les périodes contemporaines aux banalités, voire post-banalités. Puisqu'on a tendance à dire, ça fera l'objet d'un article j'espère bientôt, qu'il n'y a plus de meule à main après les banalités. Or, on se rend bien compte que c'est pas le cas, et notamment à partir du 15e siècle, on va avoir des meules à main pour le sarrasin, puisque les banalités sont là depuis le 10-11e siècle. Donc quand le sarrasin arrive, il va arriver progressivement, il va prendre sa part, et on va pas l'imposer dans les moulins banaux. Dans un premier temps, ça va poser des problèmes en Bretagne. Ça sera un point de friction en Bretagne. J'ai l'impression que c'est pas le cas en Normandie, parce que un, je ne trouve rien en source écrite vraiment de pour le moment de procès, même si c'est pas l'endroit où j'ai le plus cherché. Et deux, on trouve énormément de meules à main qui servent pour le sarrasin, donc ça montre bien qu'il y avait, c'est pas le même, le litige n'était pas au même endroit, il était plutôt sur les dîmes en Normandie. On a plutôt un gros problème sur les dîmes entre les décimateurs et les gros décimateurs et les curés, pour savoir à qui appartient la dîme du sarrasin. Alors voilà comment on arrive un petit peu au sarrasin. Alors je suis effectivement en cours de thèse. Et je me suis donc j'ai accepté de faire cette présentation, de remplacer le maître, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais beaucoup travaillé sur la récolte des données, la numérisation, mais pas beaucoup sur le dépouillement et puis ensuite l'interprétation des données. Donc je me suis un petit peu attelé. Il faut voir cette présentation comme un essai, hein, c'est pas du tout une fin en soi. Ce sont des pistes, comme je le disais, ce sont des sondages, et j'essaie de voir différentes choses en ciblant avec l'environnement. Alors, sachant que je suis pas non plus issu de l'histoire de l'environnement, alors ma plus grosse peur pour aujourd'hui, ce sont les concepts et le vocabulaire. Je ne les maîtrise certainement pas, donc j'espère qu'à la fin vous m'aiderez là-dessus, mais j'ai bien compris qu'il y avait des litiges, hein. C'est comme entre chez nous, entre finage des terroirs et révolution agricole. Chez vous, il y a d'autres choses aussi, le milieu, l'environnement. Alors j'ai peut-être. Voilà, on verra tout ça. Je m'en excuse à l'avance. Alors, donc je suis venu avec un titre un peu provocateur, auquel on va rajouter quand même un point d'interrogation. Effectivement. On va se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Disons que ce titre il est révélateur d'une certaine appréhension, d'une perception de la plante, pas par tout le monde, parce que d'un côté, effectivement, c'est la plante des pauvres, c'est la plante des sols pauvres, c'est la plante du climat hostile. On va voir que c'est peut-être pas le cas, mais on a quand même cette vision-là du sarrasin. Alors, très rapidement, pour replacer dans le contexte de ma thèse, j'appréhende le sarrasin avec une histoire un petit peu totale autour de quatre grandes thématiques. Une histoire de l'agriculture et de l'agronomie, une histoire économique et sociale, donc là on retrouve les influences effectivement de M. Morisseau sur ces deux points, une histoire et technique spécialement sur la meunerie, donc là c'est plus... ça vient plus de mon propre parcours, et puis une histoire culturelle essentiellement basée sur l'alimentation, mais pas seulement, c'est aussi, j'appelle ça sociologie des consommateurs, mais c'est aussi la sociologie de la perception de l'aliment, et ainsi de suite. Croyance populaire. Simplement, je ne vais pas parler de ces deux choses-là ici, on va aborder plutôt ces thèmes-là. Alors j'ai mis quelques grandes pistes, hein, mais c'est assez vague comme ça, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur, parce que si j'avais dû mettre le plan. Je vous propose très rapidement, quand même, pour les meules, de voir quelques photos, pour voir de quoi je parle. Voici quelques spécimens. Pour la petite histoire aussi, j'ai un double cursus, j'ai une licence d'histoire, et j'avais fait un dossier à Paris 10, une licence d'histoire de l'art archéologie, d'où effectivement aussi le côté archéologie de mon travail. Comme Alain Belmont, si vous connaissez Alain Belmont, qui a travaillé sur les moulins hydrauliques, hein, son AGR, la pierre à pain, travaille à la fois sur trois types de sources, et c'est mon cas également, iconographie, parce que j'avais suivi les cours avec Perrine Mann et Daniel Alexandre, ici même en médiéval, sur l'iconographie, archéologie, et donc les sources textuelles que je n'avais jamais côtoyées avant d'arriver en thèse, ce qui est un peu paradoxal, mais ça arrive quand on travaille sur les objets. Donc voilà, simplement des spécimens simples, des spécimens beaucoup plus travaillés. Donc là, socialement, ça, on nous dit que les meules à main, c'est quelque chose, c'est un outil de contrebande, hein. On les cache, qu'on n'a pas le droit. Bon, ça coûte quand même un petit peu plus cher de faire sculpter les meules à main. Et si on les sculpte, c'est quand même pour que ça soit un petit peu plus visible. Donc, même si ce n'est pas notre propos, voilà. L'évolution ensuite au 19e siècle. Tout ça sont des moulins qui ont servi au sarrasin. Celui-là, sûr, puisque j'ai retrouvé des enveloppes. Du son, hein, une enveloppe de graines. Celui-là, on en est sûr aussi. Celui-là, c'est un petit peu plus compliqué. En plus, c'est certainement une meule qui a été remaniée puisqu'on avait des traces d'un autre système. Voilà, dans l'iconographie, ça existe aussi, contrairement à ce qu'on nous dit. Voilà, c'est aussi un travail en dessin. Il y a eu beaucoup, effectivement, de dessin industriel, mais aussi au niveau de la en géologie, on va en parler aussi pour les sols. Je travaille aussi sur l'expérimentation, alors de deux choses, soit dans le cadre du groupe Meule par exemple, là c'est donc simplement avec d'autres chercheurs, mais je suis tombé dans l'histoire quand j'étais petit, puisque je fais de la reconstitution historique dans une troupe qui est basée en Suisse mais qui est internationale. Donc je me sers aussi quand je fais des déplacements dans des musées, j'allie l'utile à l'agréable, que ce soit pour la meunerie, mais également pour les pains, l'alimentation. Ce que je trouve dans les sources, j'essaye ensuite de le refaire. Donc, toujours un aspect un peu pratique. Voilà. Et j'espère aussi pour un champ de sarrasin, bientôt peut-être cet été, on va essayer de voir, aller travailler un petit peu dedans. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, je vais vous faire une présentation générale de la plante, en commençant par une description simple, botanique, parce que après tout, c'est le sujet, hein, autant le connaître un petit peu. Bon, une plante annuelle, c'est-à-dire qu'elle a un cycle de vie inférieur à un an par rapport aux plantes vivaces. Hauteur, alors ça c'est le sarrasin actuel. J'avais trouvé des mentions de description, mais je ne les ai pas retrouvées pour aujourd'hui. On parle de 80 cm à 110 cm, si on entend un peu moins. Alors, une tige rougeâtre et ramifiée. Ici, ça ne se voit pas trop, parce que le rouge arrive un petit peu plus tard dans le cycle. Là, un champ de sarrasin tout de suite. Je ne sais pas, ça doit être certainement fin août plutôt. Voilà ce que ça donne. Hop, voilà un détail. Donc là, on voit bien le rouge et puis les graines. Je suis désolé, je voulais ramener des graines et je les ai oubliées. Donc vous allez les voir simplement en photo. Des feuilles en forme de cœur pointu, ça se voit peut-être mieux ici. Voilà, sur cette illustration de 1885. Une fleur blanc-rosée. Ça se voit plus effectivement sur la planche que sur les photos. C'est encore assez blanc, pareil, l'évolution se fait dans le temps. Un cycle de 3 à 4 mois, et ça c'est important, on le verra, c'est-à-dire que c'est un cycle très court, hein, une centaine de jours, voire plus court. Là c'est effectivement j'aurais dû le dire, mais c'est une variété, c'est ce qu'on appelle le sarrasin commun, on l'appelle le Phagopyrum esculentum, vous allez voir ça écrit après. C'est plus court pour d'autres variétés, d'autres espèces. Ensuite, alors le fruit, c'est donc l'akène, la graine, voilà, en voilà une, en voilà. Je vais peut-être trop vite, excusez-moi. Vous me dites. D'accord. Donc un système racinaire peu développé, toujours sur cette planche. Ça a un intérêt dans l'assolement, parce qu'à partir de... Moi, je trouve début 20e et je pense que c'est fin 19e sont des considérations qu'on va mettre en avant dans les types d'assolement. C'est-à-dire qu'on va demander à mettre des... On va avoir des plantes avec des racines courtes et des plantes avec des racines plus longues. Et ça permet d'aller chercher des nutriments à différentes hauteurs. Donc, l'alternance de racines courtes et de racines longues a un intérêt agronomique, mais je ne sais pas à partir de quand on a vraiment conscience. Pour moi, pour le moment, d'après mes lectures, c'est vraiment la fin 19e, voilà, sur de 20e. Le sarrasin fait partie des polygonacées et surtout pas des graminées. Voilà. Donc, ceci n'est pas une céréale, effectivement. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de gens, et je l'ai même lu dans des ouvrages d'illustres historiens ruralistes, le sarrasin n'est pas une céréale. Là, j'ai une classification. Alors, c'est à partir de 1794, c'est la classification de Conrad Moenge. Avant, on la met dans les graminées. On le voit bien dans les classifications qui sont antérieures, mais aussi chez les médecins du 16e. Le 17e siècle, avant les botanistes, c'est eux qui parlent des plantes. Et là, pour eux, on va le voir avec les noms, c'est vraiment, c'est un blé, à part entière. D'ailleurs, bien souvent, dans les cales des bateaux, on trouve pas le sarrasin, on trouve avec les menus grains, on n'a pas le détail. Ça fait partie des menus grains. Donc, la classification, la différence associée, toutes les deux des plantes en angiosperme, pas de problème, à partir du cotylédon. Je sais pas si vous connaissez un cotylédon, c'est quand une plante pousse, les deux premières parties, alors les deux ou une justement, donc quand on est en mono cotylédone, c'est une seule petite partie. J'aurais dû mettre une photo, j'ai hésité. Et quand on est sur une polygonacée, on fait partie des dicotylédons, donc on en a deux. Ce ne sont pas des feuilles, mais c'est les premières applications qui sortent, mais ça permet aussi le début de la photosynthèse. Elles vont perdre après, la tige va remonter, mais ce ne sont pas encore des feuilles. Voilà. Vous me reprenez si jamais je me trompe. Voilà. Alors, concrètement, bah, qu'est-ce que ça change pour nos contemporains, enfin pas les nôtres, mais les contemporains du 16e, 17e et 18e siècle. Pour eux, pas grand-chose, comme je l'ai dit, c'est un blé à part entière dans leur imaginaire. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence? Le sarrasin n'a pas de gluten, n'est pas panifiable. Oui, bon, bah, y a d'autres céréales, l'avoine et l'orge également. C'est un cycle très court. On a aussi des blés de printemps qui ont des cycles courts, peut-être pas autant, mais voilà. On le met dans l'alimentation, on va le voir, on en fait de la farine, on fait même du pain de subsistance avec du froment ou d'autres choses. Effectivement, quand on y pense, eh ben, on a plus envie de le mettre avec le froment, le seigle, l'avoine et l'orge qu'avec la rhubarbe et l'oseille, puisque la rhubarbe et l'oseille sont également des polygonacées, font partie de la même catégorie. Donc pas grand chose, et on comprend mieux pourquoi ils le mettent dans le blé. Alors, je vous ai mis 4 espèces de Phagopyrum, qui est le nom scientifique du sarrasin. Alors, les deux principaux à retenir sera Esculentum, qui est le sarrasin commun, celui qu'on trouve entre le 16e et 18e en France, et le Tartaricum, qu'on va appeler de Tartarie, le sarrasin de Tartarie, ou même le Tartaric, comme ça, qui arrivera fin 18e, début 19e, et qui va changer la donne, on va le voir, parce que il a un cycle plus court et ainsi de suite. Alors, très rapidement, au niveau nutritif, j'ai pas fait de tableau, j'ai des données qui sont des données contemporaines, qui viennent des. Alors, je ne l'ai pas mis, mais qui viennent effectivement d'organismes, c'est de 2008-2009. Donc, ça me pose un petit problème quand même, puisqu'on ne sait pas si les propriétés nutritives étaient les mêmes à l'époque. Entre ces différentes variétés, il faudrait voir un petit peu plus au niveau du jardin des plantes, hein, que je regarde sur ce qui a été fait en analyse sur les graines qui subsistent dans les herbiers. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que en termes, au niveau énergétique, le sarrasin apporte quasiment autant que le froment, d'après mes données là, contemporaines. Par contre, on a beaucoup plus de protéines dans le sarrasin et plus de lipides également. Un petit peu moins de glucides. Alors encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Mais c'est un grain qui va apporter quand même, énormément si on mange, en grande quantité. Je veux dire, il peut nourrir les personnes. Actuellement, il y a eu plusieurs études en pharmacologie, en médecine et en épidémiologie. En médecine. Je vais commencer par au niveau de la nutrition dans une revue, The American Journal of Clinical Nutrition, en 1995, des chercheurs chinois, une équipe de chercheurs chinois, ont fait des tests sur une population qui ne mange que de l'avoine et de sarrasin, avec une qui mange plus d'avoine et plus de sarrasin. Les résultats montrent un meilleur taux de bon cholestérol. Donc ça jouerait sur le cholestérol et donc dans les préventions de l'hypertension. Bon, d'autres, il y a actuellement des études qui sont réalisées contre certains cancers. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est certaines acides aminés, le rutine et autres qui vont aider. Et puis en pharmacologie, effectivement, dans les maladies cardiovasculaires et contre le diabète, les pharmaciens utilisent la rutine pour faire certains médicaments. C'est pas forcément anodin, on le verra, parce que je m'interroge sur l'impact au niveau de la physiologie humaine avec d'autres choses. Donc ça, c'est une notion que je mets de côté, on en reparle. Alors, maintenant, on va passer à ces différents noms. Donc on a vu un peu la description botanique et puis au niveau de la nutrition, ces différents noms. Avant de parler du 16e, là, je vous ai dit la première mention de sarrasin, c'est pas en Bretagne, mais c'est bien en Normandie, et c'est en 1460. On le retrouve dans l'ouvrage de Léopold de Lisle, hein, sur l'étude de la condition de la classe agricole et l'état de l'agriculture en Normandie au Moyen Âge, si ça vous intéresse. Donc un ouvrage de 1851, Léopold de Lisle reprend une mention qui est dans le livre Le Cartuaire d'Avranches, le livre vert d'Avranches. C'est un, un litige de dîme, c'est ce que je veux dire, la Normandie, c'est un gros point de fixation sur la dîme, déjà à l'époque, entre le chapitre cathédral d'Avranches et le curé de Pontaubeau. Et donc, on nous parle de frumentorum saracenorum, donc de froment sarrasin. La première mention qu'on trouve, froment sarrasin, 1460. Alors, 16e, on va trouver une appellation pose problème, qui a posé problème, plus du tout maintenant, mais qui est blé de Turquie. Et je me rappelle même que quand j'ai fait ma présentation à l'école doctorale, je me suis dit, non, blé de Turquie, c'est le maïs. Vous vous êtes trompé. Eh ben non. C'est bien le maïs. Mais le maïs, si on reprend l'article de Pierre Conceau sur les études du maïs en Bresse sous Henri IV, dans Histoire et Société Rurale en 2005, il explique bien que le maïs arrive vraiment en France à partir du début du XVIIe siècle. Or là, on est sur du XVIe siècle, et on voit bien ici, c'est l'ouvrage, c'est les grandes urbaines de Bretagne, pardon, effectivement. Donc en Bretagne, au XVIe siècle, je vous rassure, il n'y a pas encore de maïs, mais il y a bien du sarrasin. On retrouve l'appellation de blé de Turquie chez Léonard Fuchs en 1549 dans son commentaire très excellent de l'histoire des plantes. Et donc il nous dit en Allemagne on l'appelle aussi blé de Turquie. On retrouve la même chose dans la maison rustique. C'était la version de 1589. Mais la première est de 74, la première en vernaculaire, pas en latin. Et donc de Charles Etienne, et pareil, on nous dit blé de Turquie, mais le titre de l'article, c'est bien blé noir. Donc c'est synonyme. Donc blé noir, c'est aussi la deuxième appellation qu'on va retrouver surtout en Bretagne. À tel point que quand vous allez en Bretagne, encore aujourd'hui, dans certaines régions, si vous parlez de sarrasin, j'ai vu des gens qui n'étaient pas sûrs de rapprocher blé noir et sarrasin. C'est vraiment ancré, c'est quelque chose de très fort, blé noir. Alors on a froment de sarrasin, on a blé noir, et ben Mortain, dans les apprécis en 1638, on va trouver froment noir. Vous voyez que tout ça, ça se mélange beaucoup. Là on est 17e. Alors la mention de sarrasin, c'est celle qu'on retrouve la plus connue communément. C'est le nom qu'on donne un petit peu partout en France. Mais souvent on trouve blé noir ou sarrasin pour expliquer ce que c'est le blé noir, ou inverse. On va avoir le carabin. Alors le carabin, c'est surtout dans l'Orne, la Mayenne et le Maine. Voilà. De ce que j'ai pu lire, hein. Après peut-être qu'on va le retrouver. Dans le Nord, alors moi j'ai jamais eu affaire, mais on appelle ça le bucaï, ça viendrait de boken en mot hollandais, pardon. Et dans le Sud, ça serait le millet noir. Voilà. Voilà un petit peu pour les noms. Alors tous ces noms, on se rend bien compte que ils sont à l'origine d'une méconnaissance de cette plante, puisque les noms de froment noir, de blé de Turquie, mais aussi de blé noir, et surtout blé noir qui est encore utilisé, effectivement, induit en erreur les gens, puisqu'on pense tous que c'est du blé. Donc je rappelle que le passé. Autre nom qui induit vraiment en erreur, et on le trouve, alors là vous allez sur internet, vous trouverez toujours la même chose presque, c'est le mot sarrasin. Alors comme c'est sarrasin, la plante, le peuple, les croisades, donc on vous dit que le sarrasin a été importé par les croisés. Léopold de Lille lui-même le dit, hein, c'est Godefroy de Bouillon qui en a porté. Alors qu'il nous dit que la première mention c'est au 16e siècle, au 15e siècle. Bon, évidemment quand on connaît un petit peu la pluviométrie nécessaire pour le sarrasin, aussi son sol, mais et ainsi de suite, le sarrasin ne vient pas du tout de Jérusalem. Donc voilà. Néanmoins, je me suis posé une question en relisant un petit peu Léonard Fuchs quand il dit, donc en 1549, porté d'étranges pays, il vient de Grèce et d'Asie, en Allemagne, de là on l'appelle blé turc, car pour aujourd'hui, le grand turc possède et détient universellement toute l'Asie. On sait, on va le voir après dans les zones de culture, en fait il vient plutôt d'Asie, il vient de l'Est. Et là on a quand même quelqu'un qui au XVIe siècle nous dit le sarrasin vient bien de l'Est. Alors, bon, la Grèce, l'Asie, c'est à l'Est, toutes ces contrées ne sont pas forcément bien vues par quelqu'un de France. Par contre, on est en 1549, hein, François Ier c'est pas si loin avec Soliman le Magnifique et Charles Quint et tout le problème qu'il y a pu avoir dans cette région. Donc, les Turcs, le mot sarrasin d'ailleurs au départ, je crois que chez les latins c'est les étrangers, c'est un petit peu comme les barbares. Donc on tourne autour de ça sur l'appellation. Sarrasin, l'étranger, Turquie, les Turquies. Je me suis posé la question, donc je vous dis hier, en me disant mais est-ce qu'on n'a pas appréhendé aussi cette, ces batailles comme une nouvelle croisade contre les Turcs, les Sarrasins, est-ce qu'ils viendraient pas? Voilà. Il peut y avoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans toutes ces appellations, il y a un amalgame. Et donc, c'est difficile de savoir d'où ça vient réellement. D'autres vont dire effectivement que la graine est plutôt sombre, donc ça vient aussi peut-être sarrasin. Bon, je ne suis pas sûr que les gens avaient vu beaucoup de sarrasin. Bon. Donc, voilà où on en est pour les noms. Alors, zone de culture. Alors, j'ai pas une très belle carte. C'est l'Atlas des cultures vivrières qui a été fait en 1971 par l'UHESS. Vous avez toutes les cultures et c'est encore ce qu'il y a de mieux. Je vais la redessiner après sur l'Ifratan, mais j'ai pas le temps. Et donc voilà, le foyer principal, ça serait plutôt l'Asie centrale. Et donc on voit, ça vient au fur et à mesure pour arriver ici au 15e siècle. Michel Nassier, je vous redonnerai les références à la fin, dans son article sur la diffusion du blé noir, montre aussi que on commence à le voir dans les pays anciatiques et la Hollande, pays anciatiques, Allemagne, dès le 14e, et plus on va vers l'Est, on commence à voir des choses au début 14e, très bien. Voilà. On voit bien l'évolution. Et puis ça arrivera au Québec un peu plus tard, hein, 17-18e, après, surtout 18e. Et c'est aujourd'hui une des régions qui cultive le plus de sarrasin. Enfin, de quoi faire un bon post-doc après, peut-être. Donc voilà, si on revient, si on arrive en France, alors ça c'est une carte que j'ai réalisée au tout début, c'est la première exercice que j'ai fait. J'ai la chance d'avoir la bibliothèque du ministère de l'Agriculture juste en dessous de mon bureau, à Caen. Donc j'y ai passé 2 mois à reprendre toutes les données statistiques annuelles de 1815 à 1900, c'est écrit en bas. J'ai fait une moyenne pour voir un petit peu. Ensuite, bon, j'ai fait une distribution à peu près comme ça, pour voir vraiment ce qui en ressortait. Donc là, on voit bien en fait qu'on a 3 zones où on cultive du sarrasin. Vraiment. On peindra ici, c'est un cas assez particulier. Bon, ce que j'appelle l'Ouest, c'est le cœur de mes recherches. Plus principalement, on va le voir la Basse-Normandie, je vais faire un zoom. Et puis ensuite, la Bretagne. On devrait peut-être dire plus la Bretagne et ensuite la Basse-Normandie parce que l'Ille-et-Vilaine est d'ailleurs le seul département, alors je ne sais plus si c'est sur quelle enquête, bon, dans la première moitié du 19e siècle, voire même le premier quart, quand on prend les données, alors ça prend avec des pincettes toutes ces données hein, sur ces périodes-là, mais c'est le seul département où il y a largement plus de sarrasin que de froment, surtout dans les départements. On va voir que dans les départements, il y a des régions où c'est le cas ailleurs. Mais là, c'est le seul département où on est, je crois, ça doit être 70 000, ça doit être 80-90 000 de sarrasin pour 40 ou 50 000 de froment. Donc c'est le seul. Voilà. La Manche, ça joue à jeu égal, je crois que le froment dépasse un petit peu. Voilà, ça doit être du 55-40. En termes de département, encore une fois. Donc, ensuite, on a ici le centre, Cantal, Corrèze, doit être Charente. Et Audienne, merci. On trouve aussi beaucoup de mentions, beaucoup de choses. Et alors, troisième zone, ici sur l'Est, qui a une particularité, c'est dans l'alimentation, c'est la seule zone où on fait des pâtes de sarrasin, les creusets, vous avez peut-être déjà goûté. Donc, je ne trouve pas de pâtes de sarrasin, à part au Japon, en Chine, mais c'est la seule zone. Donc, il y a des particularités culturelles qui vont venir, d'ailleurs, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, en effet, certainement une importation par voie maritime. Fernand Rodel, dans l'identité de la France, nous dit le sarrasin vient de Hollande par voie maritime. Simplement, j'ai pas de données, j'ai pas de source, j'ai pas de notes de bas de page, j'ai rien. Il le dit, mais j'aurais bien voulu avoir des données. C'est fort possible. On sait que c'est cultivé, comme j'ai dit avant, ça vient par là. Donc, c'est certainement par voie maritime, sinon on aurait eu 14-15e, on aurait eu des choses qui seraient venues par là. Néanmoins, si on prend un article de Jean-Jacques Emmerdinger qui date de 1964, qui était recherche sur l'introduction et la diffusion du sarrasin, notamment en Lyonnais et Bas-Dauphiné, on se rend compte que dès le 7e siècle, on a du sarrasin et on a des mentions, et c'est pas anodin. On pensait que ça pouvait être vraiment... C'est pas le cas, on a pas mal de petites choses dans cette région. Donc peut-être qu'on a ici deux voies qui font que le sarrasin peut arriver aussi sur l'Est, et bien se fixer peut-être ici, pas aller plus loin. Pour le moment, c'est pas ma zone d'étude, ça m'intéresse, mais j'ai pas encore plus d'éléments. On m'a parlé de la Suisse, qu'on aurait aussi peut-être un peu à voir. Et on, dans des ouvrages du XVIe siècle, je vais en parler, on parle aussi de l'Italie. Donc, mais en Italie, c'est aussi une petite route. Alors, voilà, continuons. Remarque tout de même, qui sera importante par la suite, en lisant la thèse de Jean-Marc Morisseau, je l'avais oublié, mais dans ses inventaires après décès, en Ile-de-France, en 1600, donc très tôt, et ça, il ne l'avait pas mis dans l'article avec M. Nassier sur la diffusion du sarrasin. Il a deux mentions, effectivement, donc, dans les archives de Val d'Oise, à Louvre, en Parisie. Donc, inventaire après décès d'un marchand laboureur à Louvre de 1600. Et donc, il a deux boisseaux de blé sarrasin. Donc, c'est un marchand en plus. Donc, ça sera très intéressant. Il me les a donnés hier. Donc, je suis assez content. Voilà. Continuons. Un petit peu, alors son utilisation très rapidement dans l'alimentation humaine, forcément, alors essentiellement crêpes, galettes, gâches, bourrioles, galettoux, tous ces noms là c'est difficile de faire la différence. Il y a des différences dans les régions, il y a des différences sur les époques. Il y aura un travail à faire là-dessus, ce qui n'est pas encore le cas, mais simplement c'est le substitut du pain, c'est qu'on mange ça quand on n'a pas de pain d'une manière générale. Plan Kellier l'explique très bien dans la table des Français du 15e au 19e siècle. Ensuite, du pain dans des rares cas, mais souvent c'est avec du froment. Mais on peut trouver du pain seulement de sarrasin. Quand on meurt de faim, on a du pain avec de la pomme de terre, on a du pain avec des orties, du pain avec des glands. Donc quand il n'y a plus rien à manger, on prend ce qui reste. La bouillie de sarrasin, donc c'est de la farine qu'on met avec. Ça dépend, je crois qu'en Bretagne c'est de l'eau, en Normandie. C'est du lait, ça semble pas dénué de sens puisqu'on a beaucoup plus de lait du côté d'Isigny, ainsi de suite. Charles-Étienne, dans la maison rustique, nous parle de mettre avec le bouillon de viande ou en panade, voire tartinage de fromage et de beurre. Il y a le gruau et donc les pâtes pour les. On le retrouve dans l'alimentation animale très tôt au niveau des graines pour la volaille et le porc, 16-17e. Ensuite, en fourrage, on va le retrouver énormément. Ça parle beaucoup sur les forums de l'époque, qui sont le journal d'agriculture pratique et tous ces petits journaux, où des gens envoient un petit peu leurs essais. Et là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont eu des pertes d'animaux en donnant du sarrasin. Alors, ils se rendent compte que c'est quand ils donnent en fleurs. Certains disent non, moi, j'ai pas de problème, d'autres oui. Donc, il y a un gros problème au 19e siècle. Enfin, il y a un problème, on voit bien qu'il y a un problème avec le sarrasin en fourrage. Voilà, engrais vert, fumier, forcément, et aujourd'hui, on en fait même des oreillers. Alors, on va venir au cœur du problème, le sarrasin et son milieu. Voilà, donc, le sarrasin est-il une plante propice à un sol qu'on pourrait qualifier d'hostile? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans un premier temps. On parle de la plante des sols froids et pauvres, c'est ce que je vous disais. Alors, plusieurs mentions. Donc beaucoup, pas mal de travail plutôt qualitatif là. En 1589, on nous dit donc Charles-Étienne dans l'agriculture et la maison rustique, toujours la maison rustique, on le doit semer en toute terre, d'autant qu'il ne refuse aucun guéret, fût-il sablonneux ou quelque autre qualité. Donc là, on a bien quelqu'un qui nous dit, après tout, on peut le mettre pratiquement partout et pas dans des terres pauvres ou autres. Plus d'un siècle plus tard, 1713, on nous dit, donc dans la nouvelle version, qui est en fait le nouveau théâtre d'agriculture de Louis Ligé, mais c'est une reprise, c'est toujours la continuité de la maison rustique, le blé sarrasin est un grain assez commun dans la France, il vient bien en toutes sortes de terres, maigres, grasses, sablonneuses ou pierreuses, il n'importe. Toujours, là, des gens qui nous disent, il peut aller partout. Je reprends l'exemple dans la thèse sur les fermiers d'Île-de-France de Jean-Marc Morisseau. Pareil, on trouve du sarrasin en Île-de-France, hein, qui est vraiment la région du froment, surtout là où il a travaillé, hein, c'est vraiment l'Openfield et le froment. Qui... Alors, ça, par contre, a-t-il été cultivé sur place, comme c'est un marchand? Ça, je... Voilà. Néanmoins, si on regarde un petit peu, il y a des sols qui lui sont plus propices. Alors, ce qu'il n'aime pas, ce sont des sols plutôt lourds, calcaires, et des sols imperméables qui retiennent l'eau. Il a besoin d'eau, mais il n'aime pas y nager. Il ne faut pas que les racines soient plongées dans l'eau. Par contre, ce qu'il aime bien, ou du moins, il ne va pas rechigner à pousser dans des sols acides et siliceux. Ce qui n'est pas le cas du froment. Un sous-sol granitique, schisteux, on va voir en détail, ne lui fait pas peur. Encore une fois, ce qui n'est pas le cas du froment. Alors, ce qui n'est pas le cas du froment, je vais bien l'expliquer, dans une agriculture d'ancien régime. D'accord ? C'est-à-dire antérieure, soit à ce qu'on va appeler l'agriculture dite nouvelle dans les années 1760-1780, avec l'arrivée des agronomes et ainsi de suite, voire ce qu'on va appeler, alors je rentre dans un grand débat, la révolution agricole, à mettre avec des pincettes, qui est-il une révolution agricole, débat entre Bruno et le roi Ladurie. Donc voilà un petit peu le type de sol. Alors, qu'est-ce qu'on a chez nous en Normandie, et plus particulièrement en Basse-Normandie, hein, donc il n'y en a pas du tout en Haute-Normandie. Je crois que pareil, on en trouve un boisseau, mais on ne sait pas encore une fois si ça a été planté. Simplement à Neubourg. Donc, voilà. Alors, si on prend les principaux sols ici, donc on a, alors c'est peut-être un peu flou, moi je ne sais pas si vous voyez, mais alors schiste et grès en vert, donc ce sont des sols siliceux, granit, alors aussi, pas de problème, grès et schiste, et puis sable et argile. Alors l'argile, c'est de l'argile plutôt de silex, donc aussi siliceux. Donc toute cette zone-là, effectivement, ce sont des... Alors, sauf ce qui est en beige, là, c'est du sable et limon. Donc là, on sera plus propice, effectivement, à une plante comme le froment, pour avec le limon. Et puis, calcaire et marne, qui est en plus la zone où on va aller chercher, il n'y a pas beaucoup de zones où on va en chercher dans le Cotentin, mais c'est là où on va chercher la marne, la tendre, pour ensuite remettre dans les champs. Alors, si on prend une carte que j'avais réalisée, on ne voit pas très bien, mais je vais vous la montrer, c'est une carte faite à partir d'un pouillé, fin 18e siècle, qui est extraordinaire, c'est très rare, j'en trouve pas d'autres, où il y a un détail des dîmes à payer qui est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a le nombre de dindes, et ainsi de suite, et tout. Pour chaque paroisse, j'ai sarrasin ou pas sarrasin, froment ou pas froment, sel ou pas sel, et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer rapidement cette carte, ce que ça donne. En rouge, là où il y a du sarrasin. En jaune, là où il n'y en a pas. Sur le pouillé, hein, ça ne veut pas dire que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas du tout de sarrasin. Et bon, en blanc, là où j'ai pas les paroisses. Voilà. En vert, la forêt. Qu'est-ce qu'on voit très rapidement? Effectivement, bon, une grosse zone ici. Un début de grosse zone ici, et c'est sûr qu'après ce sera en bas où il sera le plus, et puis au milieu, c'est un petit peu plus clairsemé. Alors, si on revient, pour comprendre un petit peu, voilà, ce qui se passe. Ici, on va avoir ce qu'on appelle les marées littoraux, là, qui vont jouer, et là aussi. Donc, c'est pas anodin, il y a quand même beaucoup d'eau, ça remonte, ainsi de suite, dans les rivières. On va avoir la marne et la tangue, on va avoir, on l'a vu, calcaire, marne, tangue, et surtout, c'est les marais de 40 ans. C'est une zone qui est très marécageuse. Alors, fin 18e, c'est ce que M. Roubsard nous avait expliqué, donc je dois travailler avec lui là-dessus. On a le début d'assèchement des marais. Et j'avais trouvé, je vous en avais parlé, quand on assèche le marais, bien souvent, c'est souvent, on trouve sarrasin en tête d'assolement, après défrichement ou assèchement. On verra pourquoi. Donc, alors, sans faire de conclusion, en ayant parlé un petit peu avec le géologue avec qui j'ai travaillé sur l'humeux, il me dit, mais voilà, quand on voit un petit peu le positionnement sarrasin pas sarrasin, c'est pas dénué de tout sens. Alors après, il faudrait voir avec les décimateurs, il y a peut-être une abîme qui ne veut pas de sarrasin plus que d'autres, il peut y avoir d'autres facteurs. En fait, ça va être le propos de toute mon intervention, ça va être de refuser tout déterminisme et de dire c'est multifactoriel, on va le voir. Donc là, j'ai pas eu le temps de voir tous les facteurs, mais le facteur sol est un élément comme un autre. Il faut surtout pas tomber dans le déterminisme du sol, comme ça est fait pendant une grande partie sur ce type de plante. Mais c'est à prendre. Alors, Pourquoi il faut faire attention? Parce que ce sont des sols qui sont propices au froment dans le cadre d'une agriculture d'ancien régime. Et ça nous renvoie à la question de bon sol et de mauvais sol. Et aussi, on va le voir, ce que j'ai appelé hostile ou pas hostile. Et qu'est-ce qu'un bon sol ou un mauvais sol pour les contemporains de l'ancien régime? Eh bien, c'est un bon sol par rapport à quoi? Par rapport au saint froment, je dirais. Par rapport au froment. C'est que tout est vu par rapport au froment. Le froment, c'est la céréale numéro une dans l'économie. C'est celle qui rapporte le plus, c'est la plus importante dans le royaume. C'est le froment. Donc, il faut prendre en compte que tous les têtes qu'on va trouver sont toujours à mettre par rapport au froment. Voilà, ça dépend du référent. Alors, dans la thèse d'Étienne Lambert, qui a fait sa thèse il y a un an à l'université de Caen, sur noble du bocage, noble de la plaine, au centre de la Normandie entre 1700 et 1790, dont j'ai fait effectivement un compte-rendu, j'avais remarqué ça. Donc, dans cette partie de la basse Normandie, les nobles détiennent en moyenne un tiers des terres, avec des variations non négligeables entre élections. Les élections de Domfront et Vire. Domfront et Vire sont celles où il y a le plus de sarrasins. Vire pour le Calvados, on va le voir après, et Domfront pour l'Orne. Donc, à Domfront, ils n'ont que 12% du sol. À Vire, que 20%. Par contre, à Falaise et Argentan, qui sont plutôt du côté du pays d'où j'en suis, là où il y a du froment, ils ont 43% et 48% respectivement. Donc on voit bien là, sans surprise, ils contrôlent les zones et les fonds les plus rémunérateurs, avec les labours, et un choix vers les meilleures terres. On est clairement face à une stratégie d'optimisation du patrimoine. Et ça, c'est à prendre en compte justement par rapport au sol, qui est un fait qui va être plutôt économique, socio-économique. Le constat est également visible à l'échelle de l'unité paysagère, parce que qu'est-ce qu'une une unité administrative? Après tout, ce qui nous intéresse, on parle de sol, on est en environnement, on va voir au niveau de l'unité paysagère. Si on prend l'unité paysagère, la moins rémunératrice des trois, qui est celle qui nous intéresse pour le sarrasin, qui est le bocage céréalier, eh bien là aussi, il est contrôlé par la noblesse à hauteur seulement de 24%. Alors que, à l'inverse, les plaines céréalières et le bocage herbagé, les à 49-50%. Donc on voit bien, on passe du simple au doux. Donc tout de suite, ça laisse aussi une clé d'entrée sur la critique du déterminisme des sols. Alors, le froment coûte plus cher à l'achat. Donc il faut un apport au départ pour le planter. Il est beaucoup plus sensible aux variations de prix. Alors moi, je n'ai pas fini mon étude de prix dans la Manche et dans l'Orne, mais on le voit au niveau du Calvados dans la thèse de Gabriel Désert sur les paysans dans le Calvados au 19e siècle. Et donc c'est plus sensible aussi aux crises météorologiques, on va voir ça après. C'est pour ça que, en fait, pour faire pousser du froment sur des terrains dits pauvres froids, c'est un petit peu compliqué, il faut de l'investissement. Et c'est quelque chose qui va changer avec le 19e siècle, on va le voir. Donc, un petit peu plus tard. Alors, pour autant, est-ce que le choix du sarrasin est un choix uniquement fait par défaut, voire imposé par ce qui reste? Est-ce que, voilà, on n'a pas le choix? Deux mentions rapidement. Avranches, 1764, on nous dit. Donc c'est dans l'état d'agriculture de l'élection, donc c'est le subdélégué qui écrit à l'intendant. Elle exporte dans ces deux provinces des froments qu'elle ne consomme point parce que les habitants de la campagne ne mangent que du sel et surtout beaucoup de sarrasin qu'ils abrètent en bouillie et mais elle ne tire plus de seigle qu'elle n'exporte de froment. Pardon. Donc concrètement, ils ont du froment, mais ils préfèrent l'utiliser en économie, le revendre et manger du sarrasin et du sel. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve en fond. C'est même, pour moi, l'élément principal de la thèse de Joseph Le Taconou, qui est une thèse de 1909, qui s'appelait « Les subsistances et le commerce des grains en Bretagne au XVIIIe siècle ». Pour faire simple, il nous dit « La Bretagne est une région qui exporte beaucoup de froment. Pourquoi donc ?» Alors, il va regarder un petit peu et il se pose la question « Est-ce qu'on a une meilleure agriculture ?» Non. Est-ce qu'on a des sols plus riches, des meilleurs sols? Non. Est-ce qu'on a plus de surface que les autres? Non. Et ainsi de suite. Donc, il étudie un petit peu tout ça. Et au final, il conclut par une chose simplement, c'est que les Bretons mangent du sarrasin et exportent leur froment. C'est-à-dire que le froment, c'est le cash, c'est la monnaie, c'est ce qu'on met dans les rangs, c'est ce qu'on met, on l'exporte pour avoir de l'argent, pour payer la taille, pour payer tout ça. Et le sarrasin, eh ben, on le mange, et en plus on aime ça. Alors, on a souvent des textes comme ça où les intendants nous disent « Ah, mais si vous leur enlevez, ou le préfet surtout, si leur enlevez le sarrasin, mon Dieu, ils vont se plaindre, ça va être l'émeute. » Alors, à prendre avec des pincettes aussi ce genre de texte. Mais simplement, on voit bien qu'il y aura aussi, on va le voir après, mais il y a un fait culturel. C'est-à-dire qu'à force, eh ben, les gens se sont appropriés cette culture. Et aujourd'hui, le sarrasin, on dit blé noir, on dit bretin. Plus que normandiste. Alors avant d'en arriver là, hop. Donc deuxième partie de pour le milieu, le B, un remède aux catastrophes météorologiques. Je regarde l'heure. J'ai jusqu'à quelle heure? 19h, c'est ça? Je sais. Non, d'accord. Que... Peut-être qu'on peut m'étancher un peu de temps si on peut. Poser quelques... Ah oui, non, oui, je suis bête. C'est jusqu'à. Alors c'est jusqu'à. Oui, je suis très en retard. Non, mais. Alors je vais aller vite parce que du coup j'ai complètement perdu la notion du temps. Le sarrasin est une plante propice à un climat donc on pourrait qualifier d'hostile. Voyons rapidement donc les conditions météorologiques et climatologiques. Alors je suis désolé, je ne dirai rien, les termes exacts là-dessus, qui sont nécessaires au sarrasin. Simplement, il aime ce qu'il lui faut, c'est un climat doux et humide. Il a un besoin assez important d'eau jusqu'à la floraison, c'est-à-dire à mi-chemin de son cycle vers juillet. Là, il lui faut de l'eau. Ensuite, si c'est plus sec, c'est même mieux. Alors, je me suis amusé à aller faire des petits essais, c'est ce que je dis, des sondages. Alors, j'ai mes rendements de sarrasin en Normandie entre 1815 et 1900, et puis j'ai récupéré des données pluviométriques en Normandie. Alors, il y a trois... là, c'est celle de... Je ne sais plus si c'était Caen ou si j'ai fait les trois. Alors, je crois que c'est celle de Caen. Alors, encore une fois, c'est un essai pour voir, pour me familiariser avec la chose, mais j'ai un gros travail à faire là-dessus. Et c'est effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, simplement, je me suis rendu compte qu'on avait ici trois zones où les rendements étaient, dans les trois départements, assez faibles. Alors, il y en a d'autres, mais je n'ai pas les données pour ailleurs. Donc, je me suis dit, bon, ben, allons voir si la pluviométrie a pu jouer un rôle là-dedans. Alors, 68-69, ici, j'ai pris 68 et 69 parce qu'on voit que ça continue. Effectivement, on a une pluviométrie qui est vraiment basse. Alors là, c'est la moyenne faite entre de 66 à 1900. Et donc, on voit qu'on a une moyenne assez basse. 76, c'est également le cas. Par contre, 80, c'est pas le cas. Je dirais même que c'est peut-être là que ça peut venir. Mais encore une fois, je ne maîtrise vraiment pas encore tous ces aspects-là. Parce que je lis souvent, d'ailleurs je vais vous le dire, que la culture de sarrasin a été perdue due à des orages, des grêles vers septembre-octobre. Voilà, au moment de la récolte. Donc ça peut être aussi un fait. Mais à mon avis, 80, voilà, j'exclus comme ça, en tout cas, ça ne vient pas de la sécheresse. Ça vient pas de la sécheresse. Ici, 76, 68, 69, la sécheresse, enfin si on ne peut pas parler de sécheresse, mais après, voilà. En tout cas, le manque d'eau a pu jouer un rôle. Après, ce n'était pas le seul. Voilà. Mais simplement, je vais essayer d'aller voir un petit peu aussi vers ces choses-là, d'autant plus qu'il y a la thèse de Jérémy Dessart qui vient juste d'être faite, donc je dois me la passer. Ça va me donner de l'eau à mon moulin, c'est sûr. Bon, j'avais plein de mentions venant de mes subdélégués et autres intendants sur le fait que le sarrasin n'aime pas ni les gelées, ni la grêle, ni les orages. Vu le temps, vous me faites confiance, je pense. Elles sont là, je vais peut-être pas toutes les lire. Alors, donc, je n'ai pas encore fait de réelles statistiques sur les termes de sécheresse, de grêle, d'orage et de pluie. Et c'est ce que je vois à peu près, c'est le terme qui revient le plus souvent. On va voir avec le facteur, donner le facteur nombre là, comme a fait Jérémy avec, on pourra en parler après, les données. Alors, au final, c'est presque le contraire. Il ne supporte pas les extrêmes, le sarrasin. Et il lui faut tout sauf un climat hostile, moi je dirais. Donc là, on est vraiment dans l'inverse. Hein. Il a besoin de conditions assez spécifiques, que l'on ne trouve pas dans toutes les régions de France, et c'est ce qui fait que sa culture est assez aléatoire au final. C'est qu'on a des rendements qui, quand on regarde, les rendements peuvent passer du simple au double par moment. Il y a des problèmes, il y a des catastrophes. Pas simplement les rendements, mais les rendements c'est une chose, mais il y a aussi les hectolitres récoltés. Et on voit bien que ça va en dents de scie. Donc voilà. Néanmoins, il est. Alors là, encore une fois, je maîtrise pas bien cette partie-là, mais je suppose que un climat tel que qu'il est à l'ouest lui est plus favorable. Bon, ça c'est sûr qu'un sud, mais ça pose des questions. Moi, je me pose des questions sur le centre et sur l'est. Parce que là, à mon avis, on n'a pas la même chose. On aura certainement des facteurs concordants, tels que peut-être une pluviométrie au bon moment, ou ainsi de suite. Mais à mon avis, je veux bien croire que dans le Cotentin, on a peut-être moins de gelée que dans les terres, puisqu'on est sur un climat océanique. Effectivement, qu'on a des températures qui varient peut-être moins, et qu'on a assez d'eau au moment de juillet. Par contre, quand on met en perspective avec le centre, je ne connais pas les données, mais voilà. Donc là, il y aura quelque chose à faire. J'en suis pour le moment à beaucoup de questionnements plus que de réponses. Alors pourquoi est-il quand même une image de plante qui sauve la population dans les catastrophes météorologiques? Alors, parce que, et surtout, il pousse très rapidement. Il pousse sur une période de l'année très rapidement, donc 100 jours, voire moins. Et puis sur une période de l'année qui est la moins assujettie, en tout cas dans l'Ouest, à des aléas météorologiques. Statistiquement, le froment a plus de chances de rencontrer une crise météorologique que le sarrasin, puisque le froment, on va le faire pousser dès l'automne, il va rester en terre, on va le voir avec la crise de 1709, et il va être récolté que l'été. Donc voilà, simplement, je pense qu'il a voilà, statistiquement moins de chances d'être assujetti à un problème de cet ordre-là. Mais c'est également, et c'est ce qu'on va voir maintenant, une plante de remplacement. Alors, c'est pour ça que j'aborde dans cette troisième partie, sa place dans l'assolement. Je vais aller très vite, j'ai aussi plein de textes, mais je vais vous résumer tout ça. Premièrement, j'ai voulu commencer par culture de remplacement, puisque c'est ce que je vous disais. Alors, pour synthétiser, j'ai plusieurs mentions, que ce soit dans le Limousin, que ce soit pour 1709, j'en reparlerai, que ça soit dans l'Orne en 1708, c'est 1709, pardon, ou en 1740 à Domfront, lorsqu'il y a eu des pluies, que le sol, enfin, soit, alors 1709 c'est la neige, c'est le froid, qui a ravagé le froment, puisqu'il y a eu des vagues successives de gel et dégel, et ainsi de suite. 1740, ce sont des pluies et des orages pour emmener les semences à Domfront. Et l'exemple de M. Nassier, je n'ai plus la période, mais c'est dans le Limousin. Bref, quand il y a des problèmes sur le froment, voire sur les blés, même les blés de printemps, on peut remettre derrière une culture de sarrasin. Donc ça permet quand même d'atténuer le phénomène. J'en reparlerai dans l'analyse démographique. Voilà, pour la plante de remplacement, pour faire rapide. Pour synthétiser la plante, pardon, la culture de remplacement. La culture de dérobé. Alors, dérobé, je ne suis pas sûr qu'il faut peut-être que j'explique. Qu'est-ce que c'est que le dérobé? Quand vous avez une culture, vous avez plusieurs sols, d'accord? Que ce soit biennal, triennal, et ainsi de suite. Vous allez avoir une jachère, souvent. Un semprant triennal, le classique, c'est blé d'hiver, blé d'été, jachère, enfin pas forcément dans cet ordre, hein, mais c'est les trois. La culture des dérobés consisterait à mettre du sarrasin sur la jachère. C'est-à-dire que, après tout, la jachère, alors, c'est pas, attention, la jachère virée, c'est pas une zone où on ne fait rien, c'est pas de l'inculte, pour reprendre un peu, et encore l'inculte, c'est pas une zone où on ne fait rien non plus. C'est quand même une zone où on va travailler. Donc, dès le printemps, on va travailler la jachère en vue du froment. Labourer la sole de jachère, mettre la fumure, mettre du fumier dès le printemps, n'empêche pas de mettre du sarrasin en mai-juin, de récolter en septembre-octobre et de remettre derrière du froment en octobre-novembre. C'est ça la culture dérobée, en fait. Pourquoi c'est assez compliqué, parce que si vous voulez, je le retrouve énormément en 19e siècle, c'est-à-dire avec tout ce qui est les journaux d'agriculture pratique, beaucoup de gens le disent, le conseil. Il y en a même qui disent le sarrasin comme récolte principale est une triste culture. Abandonner cette idée, il faut le faire en culture dérobée. Bon. Donc c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant au XIXe siècle. Avant, je n'en sais rien, j'ai juste une hypothèse, une probabilité quelque part. En ayant parlé avec M. Morinfo, il me dit mais c'est normal, on ne déclare pas trop ce genre de choses. Donc la culture dérobée n'est pas toujours visée, pour le moment. Mais encore une fois, ce n'est pas une chose que j'ai énormément cherchée. Mais c'est possible. C'est possible. Simplement, voilà, c'est pas toujours quelque chose, c'est pas toujours déclaré. Simplement, dans un arrêté du Parlement de Grenoble en 1557, on nous dit les légumes, millet, blé, appelés sarrasins, tant hivernaux que ceux en restouble. Qu'est-ce que restouble? Alors, quand on ne sait pas, on va voir le dictionnaire. Sur le dictionnaire rural de la Chivert. Restouble, c'est un peu compliqué. C'est soit une double culture, on met deux fois une culture, mais ça peut être aussi mettre une culture derrière une autre. Donc, ça serait du dérobé. Donc, là, il va falloir... j'ai un point à travailler sur la culture dérobée. Alors ensuite, on a la double culture. Alors, la double culture, c'est ce que je disais, l'arrivée du Phagopyrum tataricum, qui est le sarrasin de Tartarie. Pour faire simple, il permet deux choses. Premièrement, on peut le planter, il vient de Russie, on peut le planter soit plus tôt, soit on peut le garder un peu plus tard, donc les gelées de printemps ou celles d'automne ne lui posent pas de problème, moins. Et en plus, je crois qu'il a un cycle d'une quinzaine de jours plus court aussi. Donc ce qui fait que, alors là, pareil, j'ai beaucoup de choses, donc c'est 19e, j'ai trouvé une mention 18e, ça ne veut pas dire qu'on le fait en double culture, mais pour la double culture, c'est surtout du 19e siècle. Du 19e. Et là, on va planter le sarrasin de Tartarie en avril-mai, voire même un peu plus tard, ça dépend. On va le récolter au milieu et on va remettre derrière une autre culture, ce qui fait qu'on va pouvoir le récolter donc octobre. Voilà la double culture. La culture principale, c'est la culture normale, avec une sole. C'est celle qu'on trouve le plus un petit peu partout. Alors, les avantages du sarrasin dans l'assolement. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut le mettre après un défrichement ou un assèchement. Ça améliore la terre pour mettre ensuite du froment. Mais ça marche aussi. Ce qui se passe, je vais vous lire rapidement, par son ombrage, le sarrasin dans tous les terrains détruit les mauvaises herbes qui apparaissent pendant qu'il occupe le sol. Il ameublit la terre compacte, réussissant parfaitement sur les défrichements tout récents de l'Angle. Alors ça, c'est 1856, c'est le courrier de lecteur, annal de l'agriculture française. Et si jamais ça ne marche pas, on l'enfouit comme engrais vert, ça fera un engrais supplémentaire. Donc encore quelque chose un petit plus à mettre sur le dos du sarrasin. Alors, en D, j'avais appelé ça est-ce que c'est une plante qui ne craint pas les insectes nuisibles? Parce que quand on a plusieurs textes, on a une personne qui propose de le mettre dans les vignes du Bordelais pour tuer le phylloxéra. Qui explique, je vous l'ai fait rapidement aussi, qu'il a mis du sarrasin dans plusieurs cultures et à chaque fois les nuisibles, les insectes, alors vers blanc, manse, puceron, meurent. Donc il propose, il dit écoutez, pour sauver le vignoble, je vous propose de le mettre pour tuer le phylloxéra. Bon, l'histoire ne dit pas si ça marche, mais c'était assez intéressant. Bon, c'est pas la seule chose qu'on trouve. Dans le cultivateur en 1838, on trouve aussi quelqu'un qui a mis deux fois du sarrasin dans des terres où il y avait des vers blancs, et les vers blancs n'ont pas attaqué le sarrasin. Bon. Et puis en 1805, on a un article aussi sur le sarrasin préservatif pour pucerons, qui préserve les pucerons, bien sûr. Voilà, donc c'était la question. Mais si on regarde aussi d'autres un peu ailleurs, par exemple, les enquêtes statistiques de 52, dont front, on nous parle du ver blanc comme attaquant le sarrasin. Alors, après, l'appellation ver blanc est peut-être aussi assez généraliste, il y a peut-être des vers qui n'attaquent pas et d'autres oui. On a des. Effectivement, on a aussi un ravage de manse. Alors, manse, c'est aussi un ver. Alors, pareil, les appellations, est-ce que c'est la même chose avec le ver blanc en 1812? Et puis, on a une grosse catastrophe, c'est en 1778, c'est le subdélégué d'Avranches qui en parle, de grosses chenilles. Donc, dont le sarrasin, malheureusement, n'est pas aussi une plante qui n'a pas peur des insectes nuisibles. Voilà pour la partie sur le milieu. Alors la deuxième, c'est la troisième partie, mais la deuxième grande partie. Dites-moi le à quelle heure j'arrête pour que je ne dépasse pas. Oui, d'accord. Oui, mais vous me dites et puis moi je. Oui, oui, bien sûr, c'est. Je comprends. Alors, le Sarrazin, une solution aux crises de subsistance. D'où part cette idée du fameux article de Michel Nassé sur l'évolution du blé noir. Pas l'évolution du blé noir. Je vous redonnerai le titre exact. C'est l'évolution de la culture du blé noir. Il nous dit cette expansion céréalière que nous avons cru déceler n'a pas été sans conséquence pour la population. En Basse-Normandie, où la géographie du peuplement est très précisément connue grâce aux travaux de Jacques Dupaquet, les élections situées dans le massif ancien, cultivant du blé noir et ayant souvent une activité toilière, avaient des densités élevées. La plus densément peuplée, avec 19 feux par kilomètre carré, était Donfron. On va voir sur la carte. Dont le territoire a été généralement mauvais et ingrat. On retrouve même chez Michel Nassé le terme de mauvais et ingrat pour le sol. Donc, sachant que je suis avec une équipe d'étudiants aussi qui travaille beaucoup sur la démographie, je ne travaille pas moi-même sur la démographie, mais je me sers de leurs travaux, voire même des étudiants de master qui ont travaillé un petit peu en démographie, et j'ai eu la chance qu'ils acceptent d'avoir une orientation un peu semblable à mon sujet, donc je vais pouvoir vous montrer, j'ai pris des graphiques entre terre de Sarrazin et terre de Fromont. Alors, la crise de 1709, donc ce sont les graphiques d'Erwan Nel, qui est en M2, qui se lancera certainement dans une thèse après en démographie. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir ici? On a ici, c'est bizarre, j'ai pas mis une zone géographique, oups, voilà, on va avoir trois zones. Ici, la zone où il y a du sarrasin, le Don Fronté. Ici, le Perche et. Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Le Perche et. Et le Sud-Pays d'Auge. Donc, le Sud-Pays d'Auge et le Perche. Voilà. Sud-Pays d'Auge et Perche, on n'a pas de sarrasin. C'est plutôt du froment. D'accord ? Voilà. Donc, là, on a des courbes sur la longue période. C'était plus facile pour comprendre. J'ai les courbes sur seulement 1709 après, je ne les ai pas mis, mais si on va revenir dessus. On se rend compte, effectivement, que les crises de 93-94, puis 1709, sont bien visibles dans les zones où il y a du froment. Par contre, dans le pays d'Ulm, qui est un petit peu au-dessus du Don Fronté, qui est une zone où il y a beaucoup de sarrasins, 93, on a quand même une hausse des sépultures, ici, mais qui n'en va pas rattraper. On a en même temps, alors je ne sais pas s'il parle en termes de natalité ou de conception ou de baptême. J'arrive pas à dire si c'est baptême parce que ça change à 9 mois après. Donc par contre, on va dire que c'est les naissances qui montent aussi. Ça, c'est assez inhabituel. Et là, concrètement, il m'a dit, si j'avais pas eu connaissance de 1709, si j'avais pas vu ce qui s'est passé ailleurs, je n'aurais pas vu une crise. Je ne serais pas permis de dire qu'il y a une crise dans cette région. Il y a certes une baisse des baptêmes, mais en fait, la hausse, il me dit, la hausse des sépultures, elle est dans une autre. Dans la continuité d'une autre hausse, et c'est de l'ordre de 14 morts en plus, quelque chose comme ça. Et voilà, il dit que c'est les morts dues à l'hiver de 1709, mais pas à des crises, pas à ce qui se passe ensuite. C'est très intéressant. Et en même temps, ça pose beaucoup de questions. Quoi. Comment ça se passe, une crise comme ça? Bon, de janvier à mars, on a les vagues successives, gel, dégel, qui vont détruire toutes les semences de blé d'hiver. Arrivant à mars, ça va être la soudure. Le problème, c'est que 1708, ce n'était pas une très bonne récolte non plus. Donc, on n'a pas grand-chose dans les stocks. Et là, je ne les ai pas mis en graphique, mais pareil, dans la discussion, je pourrais vous le montrer. Mais les inventaires... quand on prend les inventaires après décès, on voit les stocks de céréales chez les gens, et on se rend compte effectivement que 1708, il n'y en avait pas tant que ça, donc effectivement il n'y a pas beaucoup de froment dans le sud pays d'Auge. Par contre, on a aucun froment avec les inventaires après décès dans le pays d'Ulm, mais beaucoup de ça. Donc, de janvier à mars, tout est détruit. On arrive sur la soudure. On a une première... j'ai pas les détails là, je prends le montrer. Première vague de mortalité, mais qui n'est pas si grosse que ça. C'est la vague de mortalité due au froid, simplement. Il y a des gens qui meurent de froid, mais c'est pas ça qui tue le plus. Avril, mai, juin, la soudure. Donc, là, ça commence à être difficile. Et on va avoir... les organismes vont s'affaiblir. C'est-à-dire qu'on a moins à manger. Et là, ça va commencer à arriver. On plante de l'orge à la place. On va planter, alors qu'on va planter beaucoup de sarrasin aussi, on le voit dans les inventaires prédécés, dans le pays d'Oul. Donc, les blés de printemps vont donner à l'automne. Mais, étant donné qu'il n'y a pas du tout de froment, il n'y a que du blé de printemps, le blé de printemps, le prix, on va avoir une inflation. Les prix vont augmenter. Et donc, tout le monde, ce que normalement les gens peuvent s'acheter, ne pourront pas. Donc, les plus pauvres ne vont pas pouvoir acheter. Que ça soit normalement, en tout cas, on le voit pour le seigle. Pour le sarrasin, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore les courbes de prix. Et donc, je vais en discuter un petit peu. Donc, c'est à partir de là qu'on a surtout la mortalité, en fait, elle est surtout forte sur l'année d'après, sur 2010, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire que l'hiver qui va faire 1709 à 1710, et la suite après, c'est là où il va y avoir le plus de mortalité. Et on ne trouve pas cette mortalité. Là, c'est un graphique, vous allez me dire, il y a quelques paroisses, il faudrait voir ailleurs. Mais d'autres étudiants ont travaillé aussi. Je vais en avoir d'autres encore cette année. Et je retrouve la même chose. Donc ça pose vraiment la question de cette région, pourquoi on a moins une atténuation des crises de substances. Est-ce que c'est le sarrasin? J'en sais rien. Voilà, c'est l'une des problématiques. Alors. Si on regarde sur la longue durée, on retourne chez Dupaquier, les statistiques du bassin parisien. Effectivement, on voit que c'est le Domfronté où on vit le mieux avec 19 feux au kilomètre carré. Simplement, moi ça me pose un problème, on va le voir après, parce que le Domfronté c'est aussi une région où on va faire venir... L'or est un département qui est déficitaire en termes de céréales normalement, hein, et de sarrasin. Et puis, on va le voir après, on fait venir plusieurs fois du sarrasin de la Manche pour nourrir le Domfronté. Mais, à côté de ça, on se rend compte que le Domfronté, il y a une population plus dense que même que nous, à Mortain, on fait venir le sarrasin. Donc là, il y a un gros problème dans l'affirmation que fait Michel Nassier. Je prends des pincettes, j'aime l'idée, je veux la voir, mais ça me paraît, il y a peut-être d'autres choses, avoir d'autres facteurs. Alors, j'ai rien à vous montrer là-dessus, mais je vais vous donner une idée aussi qui va être mise qui est en train d'être travaillée, qui est l'impact à plus grande échelle, c'est de voir la place, l'impact du sarrasin sur la physiologie. Alors comment on fait ça? On voit déjà, si on reprend les travaux de Emmanuel Oradurie sur l'aménorrhée de famine, s'il n'y a pas de baisse de conception, on peut déduire qu'il y a peut-être pas. Alors après, il y a aussi la mentalité, est-ce qu'on fait des enfants en perte de queue ou pas. Mais il n'y a peut-être pas d'aménorrhée de famine. Bon, donc, il n'y a pas de mortalité s'il n'y a pas aussi d'aménorrhée de famine. C'est-à-dire que le seuil calorique pour survivre, c'est quoi? Imaginons, c'est X. Bon, alors le sarrasin permet X, on survit. Mais l'aménorrhée de famine, c'est X plus 10% ou 20%. S'il n'y a pas d'aménorrhée de famine, ça veut dire que le sarrasin apporte plus que survivre, il apporte survivre, soit X plus 10 ou 20%. Donc voilà, c'est une idée que je voudrais mettre en voir un petit peu avec la démographie, mais pas seulement. Si on prend l'anthropométrie, avec les travaux de Laurent Héberger, on a actuellement un étudiant qui travaille dessus, donc en zone où il y a du sarrasin, donc j'ai cette chance, dans la Manche. On va peut-être pouvoir voir aussi s'il y a un impact sur l'anthropométrie, c'est la taille des conscrits. C'est pour le 19e siècle. Et puis, bon, je vous ai parlé aussi de la nutrition, avec ces études nutritionnistes, donc un maître dedans. Et puis, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de la paléodémographie dans la basse Normandie pour le moment. Ce sera le sujet de la prochaine réunion des étudiants. Donc voilà. Donc là, une volonté de rassembler des sciences dures, de la démographie, pour voir un petit peu à l'aune des sources du passé. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais voilà. Donc maintenant, deuxième partie des crises de subsistance, c'était j'avais oublié de dire, c'était une approche démographique. Ça, se voyait. Maintenant, on va avoir une approche administrative. Qu'est-ce que j'entends par approche administrative? C'est comment on gère une crise au niveau de l'administration. Et là, c'est très intéressant, parce que dans les archives de l'Orme, et qui a fait Archives nationales, pour voir les correspondances, j'ai trouvé trois crises, trois grandes crises. En 1739, sous une administration royale, en 1793, hein, donc là on est de la première république, et en 1918 sous la troisième république. Ces trois fois-là, on a des problèmes dans l'Orme et on nourrit les gens en faisant venir dans l'Orme, et plus particulièrement dans le Domfronté parfois, on va voir en détail, et on fait venir du sarrasin de la Manche pour les nourrir. C'est ce que je vous disais. Donc là, 1918, c'est pas, on ne fait pas tellement venir de la Manche, on n'en fait pas venir tant que ça. C'est plus le ministre d'État chargé, alors c'est pas les subsistants, je ne sais plus le terme exact, excusez-moi, qui donne l'accord ainsi de suite pour nourrir les populations. Alors, dans le détail, la crise de 1739 est une crise de subsistance qui trouve son origine. Surtout, là, cette crise-là, elle est, c'est la crise dite d'Ancien Régime, dans un problème vraiment de météorologie. Donc, les archives départementales de l'Orne contient donc dans cette liasse en question, l'alias C-1396, des archives de l'Orne. On va trouver un grand nombre de demandes de sarrasin réalisées au mois de juin 1739 par les curés de 26 communes de l'élection de Domfront, ainsi qu'un document concernant la réquisition de chevaux pour aller chercher les semences de sarrasin à Granville dans la Manche. Granville, Coutances. Alors, Granville, Serre, pardon. Je suis lorrain au départ, alors, excusez-moi. Alors, on y apprend donc que les paroissiens n'ont plus de semences de sarrasin et qu'ils ne peuvent pas acheter ou en emprunter car trop pauvres. Le subdélégué de l'élection de Domfront aurait donc demandé au curé des paroisses de faire une liste des familles ayant besoin de semences pour subsister. Mais les auteurs ne font nullement référence aux causes de cet état de subsistance, malheureusement. Il faudra le trouver ailleurs, on va le voir après. Les raisons probables, donc je vous l'ai dit, c'est une crise plutôt d'ordre météorologique. On le retrouve dans l'ouvrage d'Emmanuel Le Roi Ladurie dans l'histoire humaine et comparée du climat, dans le tome 1. Il donne les différentes phases. Alors, excusez-moi. Alors, en 1740, on est dans une phase, 1740, froid et humide, je crois que je me suis trompé dans, excusez-moi, ah ouais. Le moment le plus rude fut sans conteste la période allant de l'automne 1739, j'ai retrouvé où j'en suis, à celui de 1740, mais plus globalement, il démontre que la période de 1738 à 1741 fut difficile au niveau des aléas climatiques. Alors, pour cette crise, on a aussi différentes mentions, toujours au niveau des subdélégués et des correspondances, où on nous explique effectivement qu'il y a eu des orages, qu'il y a eu de la grêle, et que ça a posé problème, et qu'on a fait venir du grain de Granville. Donc on le retrouve aussi, il n'y a pas que cette liasse-là, on le retrouve aussi dans les lettres entre subdélégué et intendant. Je me perds un peu parce que je ne veux pas lire tout, j'essaie de faire vite. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième crise, ou avant de passer à la deuxième crise, simplement, on se rend compte que là, on fait venir du sarrasin, c'est le sarrasin qui va venir pallier la crise. On va passer à une deuxième crise et on va voir la même chose, mais c'est une crise qui est là plutôt plus multifactorielle. On est en 1794. Et là, c'est une période qui fait suite on a les années douloureuses du libéralisme dans le commerce des grains dans les années 60-70. Derrière, on va avoir la guerre des farines, ce qu'on appelle la guerre des farines, les années 70. Ensuite, on a quand même les disettes de 88-89 avec la Révolution française. Donc on sort vraiment de 30 ou 40 ans assez difficile sur les grains. Et je pense que les populations sont vraiment imprégnées de ça. Et d'ailleurs, il y a certains articles qui montrent que c'est l'époque où il y a le plus de révoltes populaires. Alors ensuite, on a aussi l'inflation donc, dans ces années-là avec la crise économique qui est due aux assignats. Les assignats, je pense que c'est bon pour nous. On a l'instauration du prix maximal qui va poser des problèmes aussi. Pour exemple, à Carouge dans l'Orne, en octobre 1792, un cultivateur est condamné par la municipalité pour avoir vendu son sarrasin à un prix exagéré. Et donc on a aussi la mise en place des recensements de grains où on envoie les armées dans les fermes, ce qui permet justement d'avoir là les stocks, c'est assez intéressant. Et puis en 1793, on a le début de la guerre avec l'Angleterre qui va toucher essentiellement la Manche, donc la Normandie mais surtout la Manche. Parallèlement, en novembre, on a l'armée vendéenne qui arrive et qui va aller jusqu'à Granville et à Avranches. Et tout ça va poser aussi des problèmes puisque on va envoyer des milliers d'hommes qui sont réquisitionnés en Normandie. Et on dit la levée en masse des habitants de notre district pour aller combattre les brigands de la Vendée a encore contribué à notre appauvrissement. Plus de 20 000 hommes volèrent à Mayenne et y transportèrent avec eux des subsistances pour plusieurs jours qui servirent aux besoins du reste de l'armée. Par ailleurs, on a également des réquisitions. Donc là, on a plusieurs archives sur des réquisitions pour l'armée de Mayenne ou des donations. Et là, on trouve, c'est comme ça que j'ai trouvé des pains de sarrasin de 12 livres, par exemple. Alors là, un pain de sarrasin de 12 livres, ça me paraît énorme. Mais quand on regarde un petit peu les pains qui se faisaient pour la marine et pour l'armée, effectivement, il y a même après des gens qui vont essayer de faire des pains qui durent plus longtemps. Donc il y a toute une problématique autour de la croûte, ce qu'on appelle les biscuits aussi, après, pour les marins. Alors, donc là on est face à une crise qui n'est pas le même type de crise, mais encore une fois, on voit bien que le sarrasin va jouer un rôle pour atténuer cette crise. Bon, on a plusieurs autres cas. En 1684, on nous dit encore une fois, c'est l'intendant de Caen, que c'est grâce au blé noir où la récolte est plutôt bonne, les habitants ne s'apercevront pas du manque de blé. Là encore, 1709, c'est aussi le cas, je ne reviens pas dessus. Aux archives nationales, j'ai trouvé une liasse intéressante qui concerne la Hollande. En 1804, la Hollande est française, sous Napoléon. Et donc, on a une administration française, on a des correspondances. Et là, on a aussi la même chose, c'est-à-dire que l'administration demande l'autorisation pour amener du grain d'une région. Alors, c'est Bouche du Rhin et Bouche de la Meuse, c'est les nouveaux noms. De la Hollande sous l'administration française, qui peut aussi, est-ce qu'ils ont le droit d'amener le sarrasin pour nourrir, je crois que c'est un terme. Et 1918, donc là on est pendant la Première Guerre mondiale, et donc très rapidement, l'Office général du département de l'Orne envoie par exemple au maire d'une commune ceci. En réponse à votre lettre du 6 décembre, j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'autorisation donnée par le ministre pour la distribution de farine de sarrasin comme denrée de remplacement est exceptionnelle et ne s'applique qu'à cette livraison seulement. Donc là, encore une fois, c'est un cas exceptionnel, le sarrasin. Là, c'est sous forme de farine, par contre. C'est intéressant de voir la différence, d'ailleurs. Ce sera sous forme de farine. Le ministre du ravitaillement au préfet de l'Orne. Je suis d'avis que les municipalités s'organisent pour distribuer les tickets municipaux donnant droit à chaque famille de travailleurs par tête et par semaine 250 grammes de farine de sarrasin, ce qui permettra une fois par semaine la confection de galettes. Bon, et ainsi de suite, j'ai d'autres exemples comme ça qui montrent bien que là, encore une fois, on est à peu près dans la même approche, c'est-à-dire on donne l'autorisation de distribuer du sarrasin pour pallier à des. D'autres exemples sur le 16e siècle qui ne sont pas 16e et 17e siècle qui ne sont pas sur la Normandie, donc je passe. Alors, dernière partie en 10 minutes, avec la conclusion. J'ai un titre. Ah bah du coup, j'ai même pas parlé, je n'ai même pas montré les choses, mais voilà. Agriculture nouvelle et révolution agricole, une nouvelle solution, point d'interrogation. L'idée, c'est de savoir est-ce que le changement d'agriculture a été, la problématique était de dire si le sarrasin est une solution à un environnement hostile ou à des crises, à une hostilité, d'accord, que ça soit, on l'a vu avec tous les facteurs, est-ce qu'il y a un changement? Oui, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et ce changement, il se fait à peu près à cette période-là, 19e siècle. Et ma question est là, est de dire, après tout, est-ce que c'est pas cette nouvelle agriculture et cette révolution agricole, à prendre avec des guillemets encore une fois, c'est pas la nouvelle solution et c'est pas la mort du sarrasin qui vient effectivement délivrer les hommes de la faim. Alors, ces trois zones, on a trois départements, d'accord, Calvados, Orne, Manche. Dans l'Orne, on cultive le sarrasin dans l'Augagérois et un peu dans le Bessin. Dans l'Orne, c'est essentiellement le Domfronté avec le Pays d'Oune. Ça sera relié après avec l'arrondissement de toute façon. Et dans la Manche, on en a quasiment partout, mais c'est dans le Mortenais qu'il est le plus présent, à première vue, de ce que je peux voir. Alors, voyons un petit peu ce qu'on voit, l'évolution sur ces trois départements. Alors, prenons le Calvados en premier. J'ai trouvé des mentions de sarrasin dès 1667, encore un procès de dîme, donc devant le tabellion de Bayeux, c'est le prieuré de Saint-Vidor à côté de Bayeux, contre le curé de la paroisse, et donc là, on parle de sarrasin. Début 18e, j'ai aussi toujours dans les questions déléguées et intendants, avec les lettres, on nous parle, quand on décrit l'agriculture locale, on nous parle, on dit, et dans ce pays, on engraisse aussi des volailles qu'on porte à Paris et qui sont beaucoup meilleures à cause qu'elles sont nourries de blé noir au sarrasin. La volaille est meilleure avec le sarrasin, à en croire effectivement l'intendant. Alors, on en trouve aussi jusqu'à quand, en 1790, quand effectivement on fait l'inventaire au niveau des ursulines de Caen, donc dans la ville. Si on prend le bocage verrois, qui est la zone, la zone la plus concernée dans le Calvados, vers 1700, on nous dit, quant aux fruits, en fait ce sont les grains, il y croit du seigle, de l'avoine et blé noir ou sarrasin, très peu de froment. Donc dans le pays dans le bocage des rois, très peu de froment. Au niveau du rapport du 26 Brumaire de l'an 13, le sous-préfet de Vire signale « Le premier froment a été semé à Coulonce il y a 40 ans, donc entre 1760 et 1770. » Dans un rapport de 1837, on nous dit à une époque qui remonte à une cinquantaine d'années, quelques cultivateurs des plus entreprenants semèrent du blé. Là, c'est 1790. Si l'on prend la carte qui est dans l'ouvrage de Gabriel Désert sur les paysans du Calvados, de 1815 à 1895, on voit qu'en 1812, on a du sarrasin sur toute cette zone. Attention, c'est très trompeur. C'est-à-dire qu'on a 30% de sarrasin et c'est 50 ou 60% de froment ici. Donc le sarrasin, il y en a plus qu'ici, mais il est minoritaire quand même par rapport au froment. Par contre, ici, de ce que je viens de dire, entre le 17e et le 18e siècle, on dit qu'il y a très peu de froment. Or, ici, vers 1815, on a 25% de sarrasin et 25% de froment. Donc, on a quand même. Alors, soit ce qui nous est dit avant est trompeur, parce qu'on veut plus, on veut récupérer plus, soit effectivement il y a un début de conversion, c'est-à-dire qu'on commence à avoir de plus en plus de froment. Il n'y a pas de doute à avoir, puisque ensuite, en 1852, on a 23% de sarrasin contre 50% de froment dans les cantons, effectivement, du bocage virois. Alors, on va le voir après, mais le changement semble s'être opéré plutôt dans le Calvados que dans l'Orne et dans la Manche. Pourquoi ? Soit il y avait déjà plus de froment, un petit peu plus de froment, mais ce qui est fort probable aussi, c'est qu'on a la plaine de Caen ici, où on a vraiment une influence de l'agriculture nouvelle, et donc et ensuite et des agronomes. Et je pense que les changements d'agriculture ont pu plus facilement passer de ces zones qui étaient plus propices à cette zone-là. Mais c'est, encore une fois, c'est qu'une hypothèse. Voilà la répartition dans le Calvados. Donc, pour 1812, toujours à partir du livre des paysans du Calvados. On n'a plus une majorité de sarrasins dans le bocage virois. Alors, on va passer l'Orne. Avant de nous parler de 1852, en 1698, pour le pays d'Ulm, on nous parle de plus mauvais territoire et on nous dit d'autres menus grains et points de froment. Courdon front, on va nous pareil, on nous dit peu de froment qui s'y récolte et fort petit. En 1681, on a effectivement en correspondance des intendants d'Alençon avec le contrôleur des finances, il nous dit production de blé noir et seigle, mais il ne parle pas de froment du tout pour le coup. En 1727, l'intendant. Il y croit très peu de blé, froment, seigle, orge et avoine, ils sont fort petits. Donc, apparemment, 18e siècle, 17e, 18e siècle, très peu de froment, voire pas du tout. Dans l'enquête de 1773, il nous reste malheureusement que les données pour 7 paroisses du Domfronté. Quand il parle du type d'assolement, on ne voit pas du tout le froment non plus. Donc, jusqu'en 1800, il semble ne pas y avoir beaucoup de froment dans le Domfronté, dans l'Orne. Alors, je me suis amusé très rapidement, et puis j'ai pour la Manche, c'est à peu près la même chose pour le Mortenay. C'est un peu comme la. Je vais pas vous lire tout ça parce que j'ai plus beaucoup de temps. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'avant le début 19e, on nous dit toujours peu de froment, pas de froment, ou très, très peu de froment, qui pousse très mal. Si on regarde ici, malheureusement, j'ai que des données aléatoires. J'espère pouvoir. Vous voyez, on passe de 1816 à 1826 à 1829 à 1852 là. Et là, 1800, 1813, 52, 55. Alors, j'ai pas mis les autres grains parce qu'il y a une évolution, mais elle est moins importante et c'est pas ce qui m'intéressait le plus ici. On voit que concrètement, dans le Domfronté, le changement s'opère peut-être. À partir des années 1800, on va dire dans les années 1850. Et ici, j'ai un saut entre 30 et 50. J'espère. Alors, le problème de la Manche, les archives ont brûlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a été bombardé, j'aurais dû commencer par ça. On n'a pas grand-chose. Et pour le 19e siècle, il y a juste une liasse pour 1836 pour Mortain. Donc voilà. Le reste, c'est aux archives nationales un petit peu de temps en temps. Mais il manque, je ne sais pas pourquoi, il manque l'enquête de 62, l'enquête de 82. Ça a été arraché, il n'y a plus que la première page. Peut-être un complot contre la Manche, je ne sais pas. C'est très difficile de trouver des données pour la Manche. Donc, on voit bien que le changement s'opère là. Et puis, bah alors, si ça intéresse, le sarrasin continue. Il ne baisse pas tant que ça, en fait. Tout au long du 19e siècle, il baisse petit à petit. Et c'est surtout dans la première moitié du 20e siècle, voire même le premier quart, qui va commencer à chuter terriblement pour arriver à quasiment plus rien au milieu. Voilà. Et bien, je crois que j'arrive à la fin, je ne vais plus rentrer dans les détails. Simplement, pourquoi j'ai montré ça? Parce que je pense que si le sarrasin a pu servir effectivement pallier des crises, à nourrir des gens dans un environnement dit hostile, on parle effectivement de terre ingrate, pauvre, froide, c'est effectivement probable. Mais on l'a vu, il y a différents facteurs. Il ne faut pas prendre en compte simplement des facteurs physiques. Alors, excusez-moi, je cherche une feuille. Donc des facteurs, il y a différents facteurs qui sont culturels, qui peuvent être économiques, socio-économique, culturel, et puis également technique. Technique parce que très rapidement, j'ai fait des petites recherches un peu, je me suis interrogé sur la chaux. La chaux, c'est ce qui va apporter, c'est ce qui va réduire l'acidité du sol. Quand on apporte de la chaux dans un sol acide, ça le rend moins acide, forcément. Et donc là, on pourra mettre le fondement. Il y a des fours à chaux dans le Cotentin, beaucoup de fours à chaux. Et j'ai fait des recherches, et quand on regarde un petit peu les articles dans les revues d'agronomie ou les revues locales, eh ben, on voit émerger une littérature sur la chaux qui est dans les années 40-50. Et on voit aussi passer des appels d'offres, un financier belge qui arrive dans la Manche et qui va faire des affaires ainsi de suite sur la chaux, et donc on va construire des fours à chaux. Même si la chaux est déjà utilisée au XVIIIe siècle en petite quantité, c'est vraiment à partir des années 40-50. À première vue, encore une fois, c'est qu'un petit sondage, il va falloir que j'aille plus loin là-dedans, mais ça a pu jouer un rôle non négligeable. Bon, ça fait partie des choses. Pour le Calvados, ce qu'il faudrait que je regarde, en fait, je le vois dans l'enquête de 1836 pour la Manche, on n'a pas tant de trèfles, de sans-foin, de vesses que ça. Il n'y a pas cette nouvelle agriculture qui consiste à amener ces nouvelles cultures dans l'assolement pour redonner de la vigueur effectivement à l'assolement et à changer de type d'assolement. En 1836, en tout cas à Mortain, je ne le vois pas tant que ça. On a plus de froment qu'il y avait par avant, mais je ne suis pas sûr non plus que les cultures, l'arrivée de fumier en masse, comme le montre Jean-Marc Morisseau pour l'Île-de-France, ça a eu une grande influence. Par contre, ce qu'on peut qualifier de révolution agricole au XIXe siècle, avec notamment les nouveaux amendements et ainsi de suite, ont certainement joué un rôle plus important là, sur le changement. Et ça montre bien qu'au final, là aussi, le sol ou le climat n'est pas peut très vite passer au second plan, quand la technique le permet. Voilà. Donc pour conclure, c'est à peu près ça. Est-ce que c'est la solution à l'environnement? Est-ce que il est à la hauteur de sa réputation? Alors j'ai évité de faire une réponse à la Normande. Il y a de nombreux éléments qui me permettent de répondre par l'affirmatif. Mais je préfère nuancer, vous l'avez vu, c'est ce que je n'arrête pas de faire, peut-être un peu normand quand même. C'est intéressant parce que là je vous parle que du sarrasin, mais est-ce que j'ai pas comparé, il faut le comparer avec le riz, on importe du riz pour les crises de subsistance, la châtaigne, le rôle de la châtaigne dans d'autres régions, la pomme de terre, bien évidemment. Donc tout c'est à mettre avec d'autres plantes de subsistance et des politiques aussi. Il y a un fait politique, on le voit dans l'administration, c'est qu'on accepte les exportations ou pas. Et puis on ne parle pas du tout de l'autosubsistance, c'est-à-dire ce qu'il y a vraiment dans les jardins, et ça c'est des choses dont on ne parle pas suffisamment. Donc à voir aussi s'il y a d'autres cultures qui peuvent arriver. On est en bord de mer, peut-être aussi faudrait voir ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une alimentation maritime. Et puis est-ce que avec un SIG on pourrait voir aussi les pêcheries, le cours d'eau. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Moi, pour le moment, je suis un petit peu qu'au début, malheureusement, pour ces éléments de réponse. Donc, je le redis, je pense qu'il faut refuser le déterminisme physique comme facteur unilatéral et primordial et vraiment important. L'intégrer donc à d'autres facteurs économiques, sociologiques, culturels et politiques. Voilà. Je pense que j'ai à peu près conclu ce que j'avais à dire. Écoutez, merci beaucoup parce qu'en fait, on a bien compris que vous étiez finalement au début de votre thèse. Et avec toutes les questions que vous avez soulevées, toutes les pistes que vous avez évoquées, je trouve que ça fera à la fin une très très belle thèse. Hein. Sachant qu'en plus, comme je vous ai dit, j'ai parlé que de deux parties. Oui. Donc, c'est normal. Ouais. Tout, l'alimentation et la ménoïne, là, je n'ai pas parlé. Bien sûr. Je pense qu'il y aura des questions. Moi, je voudrais déjà, avant de passer la parole, je voudrais déjà en poser une. À propos de la météo, en fait, c'est le temps qui fait. Oui, alors je ne sais jamais si je dois dire météorologique ou climatologique. La météo, c'est le temps qui fait, la climato, c'est le climat. La climatologie, c'est le climat régional. D'accord, donc c'est bien météorologique. La météo, c'est il fait chaud aujourd'hui, il fait moins chaud demain, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes dans un refroidissement ou dans un réchauffement. Alors, à propos de la météo, vous évoquez la pluviométrie, hein, et vous n'avez évoqué que la pluviométrie, mais peut-être pas faire du tout. Parce qu'il y a aussi la température, je pense que vous avez pensé à ça. La température, oui. C'est pas parce qu'il pleut que par doux. Et ce qui est valable pour le sarrasin, à climat trop pluvieux, ça peut être aussi valable pour les autres plantes. Hein, je veux dire, ça peut être aussi dommageable. Je veux dire que donc, ces critères-là, il faut peut-être les moduler aussi. Oui. Ils ne sont peut-être pas complètement déterminants. Et je pensais, en vous écoutant, parce que vous avez évoqué la question des tempêtes, etc. Or, le sarrasin, vous nous avez expliqué que c'est une plante qui a un système racinaire peu développé. Ça veut dire qu'elle s'arrache très facilement. Oui, on l'arrache même pour la... Certains l'arrachent même pour... normalement, on dit qu'on s'y lève avec une faucille, mais il y a une deuxième façon de faire, c'est l'arracher directement. Ah, et donc, les tempêtes, tout ça, il n'y a pas besoin forcément qu'il fasse mauvais, froid, chaud, ou trop sec, les tempêtes peuvent très bien anéantir des récoltes, alors, finalement. Oui, c'est ce que je disais, on parle beaucoup d'ouragan, de vent, je ne l'ai pas mis en avant, effectivement, mais le terme d'ouragan revient souvent, alors ouragan, ça me paraît un petit peu excessif. C'est des espèces de mini-tornades qui couchent... Mais ça, la plante, finalement. Ouragan, orage, grêle et sécheresse. C'est les quatre termes qui reviennent le plus. Je ne vais pas m'interpréter. J'aurais une question plus de géographie puis, qui sortait sur le 19e siècle. Et alors déjà, je voulais savoir si vous aviez lu la thèse d'Alain Corbin sur le Limousin, qui pourrait quand même vous aider à essayer de trouver des éléments de comparaison. Oui. Avec la châtaigne, c'est ça, il parle... Il y a la châtaigne, il y a le sarrasin, justement, oui. C'est une grande zone de culture de sarrasin, oui. C'est une zone granitique comme l'Ouest, donc là, on a des éléments de comparaison, et je pense que c'est quelque chose à dire pour nourrir votre réflexion. Alors, par contre, la troisième grande zone, la zone région lyonnaise, là, je comprends pas effectivement sur le plan... géologique, ça ne peut pas se justifier. Donc, est-ce que vous avez des sources aux archives nationales, par exemple, qui vous permettraient de comprendre? Est-ce que c'est le département de l'Ain, en fait, qui est en rouge sur la carte? Oui, je crois. Hein, c'est que je reprenne. Il y a l'Ain, Saône-et-Loire et Savoie, je ne sais plus. Oui, il y a trois départements. Il y a la Saône-et-Loire, oui. Le département de l'Ain et puis l'Isère. C'est l'Isère, voilà, tout à fait. C'est ça, c'est trois départements. Donc, c'est vrai qu'on est dans une topographie complètement différente. De ces régions granitiques. Et la Champagne aussi, j'en ai pas parlé. Mais alors pour la Champagne, j'ai un camarade qui fait sa thèse sur la Champagne, aussi au Pôle rural. Et donc je lui ai demandé quelques questions avant de venir. Il m'a dit que c'est très très localisé en fait, c'est autour de Troyes. Quand on regarde les cartes géol, on a une bande effectivement là entre la Meuse et la Champagne. Et donc le géologue m'en avait parlé, je ne sais plus exactement ce que c'est là, il m'a dit effectivement c'est un sol qui est plus acide que ce qu'il y a ailleurs. Et donc c'est ce qui correspond à la Champagne pouilleuse. Ah, alors oui. Champagne pouilleuse, c'est la Champagne la plus pauvre par rapport à tout ce qu'il y a autour. Donc, ça me fait penser aussi, pour revenir à la Savoie, parce qu'en fait votre carte, la Savoie en 1860, elle n'est pas française. Alors. Donc en fait, les oui. Crozets, c'est des pâtes savoyardes. Oui. Et finalement, on ne peut pas le montrer ici parce que vous n'aurez pas les statistiques si vous utilisez que les archives nationales. Oui, tout à fait. Donc, j'ai différents problèmes. Hein. Ça, c'est une première carte que j'avais réalisée au tout début parce qu'on était parti de l'idée avec M. Morisseau que... d'utiliser la méthode régressive pour voir au 19e siècle, puisque c'est là où on a plus de données, les zones. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, il y a la Savoie, mais il y a, bon, alors, on n'en cultive pas du tout, mais il y a des problèmes aussi au niveau de la Lorraine. Je sais, c'est quelque chose qui m'intéresse, comme j'y suis souvent, je pense que je vais regarder un petit peu, mais on ne peut pas tout faire, mais je sais que apparemment, la Suisse aussi cultive. Assez tôt. Alors, assez tôt, qu'est-ce que c'est ? 16e sur, peut-être avant. Voilà. Donc, c'est ce que je. une des hypothèses avec tout ça, effectivement. Alors, les statistiques pour la Savoie, je ne sais pas. Je peux pas me permettre de faire aussi la Savoie, puisque je suis de l'autre côté. Mais effectivement, ça serait intéressant pour voir sur cette zone-là, si quelqu'un est intéressé. Oui, parce qu'il y a des archives départementales, hein, à Chambéry, à Annecy. Donc, ils ont conservé les documents de l'administration à l'époque. Moi, je sais que je ne pourrais pas, concrètement, hein, parce que j'ai déjà la Bretagne, la Normandie à faire. Je vais aller un petit peu dans le Limousin. Je crois aussi que je m'étais assez rendu compte dans toutes les correspondances de tout ce qui est revue d'agronomie et d'agriculture du 9e, que dans cette zone-là, il y a des zones où le sarrasin sert surtout pour l'alimentation animale. Et ça leur paraît presque stupide d'en manger. Voilà. Donc ça serait intéressant de reprendre mes données et de faire une carte sur, pour le 19e en tout cas, des régions où on le consomme, consommation humaine et consommation animale ou engrais vert, fumier, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a des différences culturelles vraiment à voir là-dessus. Parce que les Limousins, c'est les mangeurs de châtaignes, mais c'est aussi péjoratif. C'est les Parisiens et les habitants des zones alentours qui les surnomment comme ça. Donc les céréales sont quand même. Oui, et il y a pas mal de sarrasins. J'ai des choses sur Limousins, je ne les ai pas menées ici parce que j'avais plus été, mais en ce moment, je travaille sur l'expertise de Meule pour un site archéologique le prieuré de la Vidinière. Donc je m'étais intéressé un petit peu, et puis il y a eu le colloque à Limoges il y a 2 ans, et il y en a un livre qui est sur l'agriculture du 18e siècle. Effectivement, on trouve beaucoup de sarrasins quand même dans toutes ces régions, dès le 17e siècle, c'est sûr, peut-être. Ce qui est intéressant aussi pour reprendre, là j'ai pas mis cette carte-là, mais j'ai une carte qui est pour les meules, on voit la typologie et la morphologie des meules, mais aussi la roche utilisée, donc le granit, est la même, c'est-à-dire que je trouve les mêmes meules, les meules à main pour la période d'Ancien Régime, hein, les meules à main en Auge, on trouve les mêmes ici en Normandie que dans la région Limousine, centre. Donc là aussi, le système de meunerie et son évolution, là je l'ai beaucoup étudié sur la Normandie, mais je trouve qu'il y a aussi d'autres liens sur l'outil. Donc, par contre, je crois que Michel Nassi disait que on travaillait plus sur une culture biennale, même avec le sarrasin dans le Limousin. Forcément, dans l'Ouest, c'est pas un problème, c'est sûr que c'est triennal. Mais il y a plein de facteurs à voir entre ces différentes régions. Malheureusement, moi, je pourrais pas me permettre de faire tous les dépôts d'archives parce que ça fait déjà plusieurs départements. Et vous avez, à juste titre hein, d'ailleurs, vous dites que la géologie, l'état des sols n'est pas déterminant, mais vous ne l'avez pas évoqué, mais sans doute vous y avez pensé, c'est de mettre peut-être en relation cette culture du sarrasin avec l'état de la propriété foncière, avec la taille des exploitations. Alors, pour le moment, j'ai pas du tout regardé ça. Effectivement. Ça, je pense que vous le verrez parce que ça sera intéressant de voir si c'est toujours les petites exploitations, c'est-à-dire en fait les échelons les plus bas de la paysannerie qui. Alors j'ai un début de réponse, je pense quand même. Ah, ouais. Je l'ai pas fait, mais si vous voulez, quelque part avec. Je vais me servir de ce qu'a fait déjà Étienne Lambert pour les nobles. Donc là, on va avoir les terres, on va avoir les exploitations les plus grandes avec les nobles. Et lui, n'a pas trouvé de sarrasin déjà, très peu de sarrasin. Alors bon, il a fait une erreur quand on en a parlé, c'est déjà regarder les inventaires après l'essai sur les périodes avant la récolte, qui est la période de soudure du sarrasin. Donc quand je fais l'essai, il me dit, j'ai pas pris ce cycle. Il dit, non, il faut regarder les inventaires après l'essai. Après, il en trouve un petit peu. Donc il y en a un petit peu, il a trouvé aussi des moulins à sarrasin. Quand il y a moulin, il y a plus que culture là, il y a consommation. Donc là, je pense qu'on va peut-être pouvoir avoir un début de réponse. Ensuite, j'ai très peu de documents qui disent qui disent effectivement s'il y a du sarrasin sur telle parcelle ou telle parcelle. Alors j'ai simplement, ce qui est intéressant, c'est cette crise de 1739, où on a par paroisse les habitants qui demandent tant d'acres, tant de... ainsi de suite. Alors c'est jamais la même unité. Et là, j'ai commencé à faire un tableau. Il y avait la carte là, je l'ai passée, j'ai tellement parlé que je l'ai pas eu. Là, on va commencer à avoir un petit début de réponse. Et c'est sur des choses comme ça que je pense que je pourrais avoir des choses. Après, je pense pas qu'avec les tailles ou les choses comme ça, les dîmes, il n'y a pas. Il y a juste les redevances, les tailles non plus. Alors, il faudrait voir la taille tarifiée, mais on n'est pas trouvé. Je sais qu'en Bretagne, on a pu voir des choses, mais encore une fois, c'est sur présence ou pas avec le 20e. Le problème, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, j'ai des données où sarrasin ou pas sarrasin. Mais j'ai pas. Si vous avez des idées, alors je suis preneur vraiment. Je sais que. Je ne me souviens pas non plus de la période. Enfin, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Il faut que je ramène. Le statut de la propriété, de l'exploitation. Hein, le travail à faire qui serait intéressant là, sur cette liasse par rapport à la crise de 1739. C'est de refaire là par contre un travail de démographie, si ce n'est de démographie, de reprendre les registres paroissiaux, de retrouver les personnes, l'idéal de faire une reconstitution de famille pour bien voir, et ainsi de suite, mais de retrouver les personnes dans d'autres sources. Mais là, ça me paraît beaucoup de temps pour. Voilà, le problème c'est que avec une vision, avec un sujet qui est peut-être pointu sur le sujet, mais qui a une vision totale, l'aspect social effectivement de. Bah, des consommateurs, bon, ça j'ai ce qu'il faut, ce ne sera pas un problème. Mais par contre, des producteurs, ça me pose vraiment un problème. C'est pas comme le front, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des éléments de discours constitués qui ont fait pression, qui peuvent contribuer à expliquer ce croisement des deux courbes entre le front et les et juste, bah alors, c'est. Pour tout vous dire, hein, c'est quelque chose j'ai travaillé en prévision de venir ici. Donc c'est tout récent. C'est mes dernières recherches aux archives nationales avec celles que j'ai trouvées en département. Alors, ce qui va être intéressant, j'ai pas eu le temps de regarder, si j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas trouvé d'éléments de réponse. C'est dans la thèse de Jean-Paul Bourdon sur les agronomes distingués en Normandie. Donc, d'ailleurs, la carte qu'on a vue avec présence de sarrasin en vert, c'est la sienne, mais il va falloir que je prenne contact parce que je ne sais pas du tout d'où ça vient, avec quelle source, et ainsi de suite. Donc, c'est une carte comme ça, un peu comme Gabriel Désert, d'ailleurs, on a des cartes et on ne sait pas d'où viennent les données, c'est un petit peu dommage. Et donc, ça m'a donné l'idée, je pense que ça va être dans... là, il va falloir faire des sondages. Je l'ai fait pour tout ce qui est le cultivateur, le journal d'agriculture pratique à l'échelle nationale. Il va falloir que j'aille voir dans les sociétés d'agriculture à l'échelle locale, c'est ce que M. Morisson m'a conseillé effectivement, pour voir si dans les débats, dans les discours, on a quelque chose effectivement. Est-ce qu'on a des agronomes ou des cultivateurs érudits, on va dire, éclairés, comme on dit, qui ont ce discours-là. Parce que je le trouve à l'échelle nationale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je ne l'ai pas lu en entier, mais je disais, quelqu'un disait, oui, alors la culture, alors c'est quelqu'un qui vient du... c'est un cultivateur de l'Est, donc ça n'a rien à voir avec ma zone, mais en gros, il disait, alors bon, la culture du sarrasin en culture principale, c'est pas la peine, vous allez perdre votre temps pour pas grand chose. Par contre, moi je vous le conseille de le mettre en dérobé, ça vous permet d'avoir une culture supplémentaire. J'ai un autre élément qui me vient pour l'orme, et je l'ai écrit, et du coup je suis passé. On a un cultivateur, non, c'est un ancien professeur, lycée agricole, quelque chose comme ça, donc 19e. Je pourrais le retrouver, je ne vais pas perdre de temps, mais je l'ai là, je pourrais vous retrouver ça. Qui dit, alors un officier français qui revient de Russie, a ramené une autre nouvelle sorte de sarrasin. Donc, c'est pas l'espiantum, c'est pas le tataricum, c'est un autre. Et dit, donc j'ai fait des essais, et c'est formidable, parce que ça permet beaucoup de choses. Et donc, le mieux, c'est que je vous retrouve ça. Et en attendant, si vous avez d'autres questions. Oui, sur les labours. Oui. Donc. tu as dit que le système des racines du sarrasin était plus court que celui du froment. Donc on pouvait. Alors, je suis pas sûr pour le froment plus court que d'autres. J'ai juste dit qu'il y avait des plantes plus longues et plus courtes. Après, j'ai pas regardé en détail. Ok. Et donc, peut-être pas de détails là-dessus. J'ai dit que ça pouvait permettre de faire des assolements avec de moins fatiguer la terre en mettant une année sur l'autre une plante. Avec un système racinaire long et une plante avec un système racinaire court, ça, est-ce qu'il y a des choses, des données là-dessus précises? Alors, c'est dans le Larousse de 1920 et quelques, je l'ai sur mon bureau, 24-29, le Larousse sur l'agriculture, je crois, c'est le Larousse sur l'agriculture qui parle de ça, et qui explique même qu'il y a des racines pivotantes et des racines plongeantes. Alors, je ne sais plus si c'est que des racines pivotantes et plongeantes et que j'ai trouvé sur une autre, mais c'est dans tout ce qui est la littérature début 20e qu'on trouve ces données-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit avec des pincettes sur le 19e siècle et peut-être fin 19e siècle. Après, il y a des choses qui se font de manière empirique, alors après, le terme empirique, c'est pareil, mais alors déjà le Larousse agricole de 1900 alors je sais plus 24-29, il n'y en a pas eu des tonnes je pense. Donc. Et là ils ont l'air exclusifs, hein, froment et sarrasin sur ces graphiques là. Oui, j'ai retiré. Je les avais mis, j'ai retiré parce que ça permettait pas de bien voir. En fait au début j'avais mis toutes les courbes et puis du coup ça posait un problème, notamment en 1813. Je sais pas pourquoi on trouve l'orge qui dégringole. Et là, on est. Je ne sais pas de quoi ça vient, ça peut être autre chose, totalement autre chose. Donc, pour une meilleure visibilité, c'est pour ça que je vous l'ai dit, il me semblait que je vous l'ai dit, je crois. Hein, j'ai retiré seigle et avoine, je peux les montrer. Alors, j'ai pas parlé, je vois prairie, effectivement. J'ai pas parlé du tout, on pourrait. J'aurais pu avoir la question d'ailleurs. Vous n'avez pas parlé de la mise en herbe, de l'herbage, des prairies. Parce que. En fait, ce qui se passe, c'est que jusque les années 80, il y a plus un rapport froment contre les autres céréales. Le sarrasin diminue légèrement, mais remonte vers la fin du 19e siècle, assez bizarrement. Les autres céréales, donc métaille, seigle, avoine, vont avoir tendance à baisser aussi. Et le froment va monter, puis rebaisser dans le dernier quart du 19e siècle, et là, au profit, dans les années 70-80, de la mise en herbe et donc de l'arrivée de l'élevage bovin pour desservir les villes et donc les fameuses vaches de Normandie, c'est surtout là. Mais oui, alors les données elles sont là. Par exemple, si on prend le métail, alors voilà, c'est là où on passe. Alors non, c'est plus. Alors après Mortain, là c'est 5000, 5000, 4500, 2935. Donc c'est on a une baisse aussi régulière. L'avoine, on est en baisse régulière, mais pas aussi significative que ça. Ici, alors l'avoine, voilà, c'est ici, avoine, on passait de 11 000 à 6 000 pour revenir à 11 000. Bon, alors, il y a un gros. Les statistiques avant l'enquête de 52, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Il faut pas prendre les données pour argent comptant. Il faut voir ça comme une tendance. Et dès que vous avez une tendance vraiment. Une tendance forte, mais vraiment, je vais dire bizarre, mais je cherche le terme. Discordante dans un contexte normal, il vaut mieux l'enlever parce que voilà, on ne sait pas. Il y a le problème des déclarations énormément déjà sous l'ancien régime et on voit toujours un petit peu mal les technocrates qui viennent nous demander combien on cultive et ainsi de suite. On se dit que c'est pour les impôts. Mais alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai pas les cours parce que je pensais les avoir enlevés sur le PowerPoint, mais on voit les données ici. Et donc, tu n'as pas beaucoup de données sur les assolements, sur ce qu'on met d'une année sur l'autre, comment est-ce qu'on fait les rotations. Non, j'ai simplement à la question dans les enquêtes administratives, quel type d'assolement. Et on va dire, et là, on sait simplement le CERAC. On va vous dire, on met souvent du sarrasin en tête d'assolement parce qu'il prépare les autres blés. Alors, c'est sarrasin, froment, seigle. Ou jachère sarrasin, jachère seigle, ça dépend. Après, on va passer à des assolements. Là, pareil, il y a la durée de la jachère qui pose problème également. Parce qu'on est dans des régions où on va passer à 2 ans ou 4 ans de jachère, voire plus parfois, pour renouveler un sol. Une sorte. Et sur le Tartaricum, il vient d'où alors? Eh bien, de Tartarie, de Russie. Et c'est pourtant pas ce virus qui vient en 1812. pas 1815. Pourtant pas lui. Si, si c'est lui. C'est l'autre, c'est l'exemple que je recherche de du début 19e. Et c'est encore un autre qui vient aussi de Russie. Et dans ce cas, j'ai dû mettre ça donc, dans ce qui concerne l'or. Alors, comme j'ai retiré des choses, je... Et là, j'ai un petit peu mélangé toutes mes feuilles. Est-ce que ça répond suffisamment à... Oui, oui. Si tu as d'autres questions. S'il n'y a plus d'autres questions. Merci encore Alain Gilles d'être venu de la Normandie, la basse Normandie. Oui, bientôt réunifié. J'en profite là juste pour dire que le prochain séminaire donc, du Rush aura lieu le jeudi 16 février. C'est Frédéric Lager de l'Université de Nantes qui interviendra sur les relations entre l'homme et la mer du Moyen-Âge au temps moderne. Ensuite, le 15 mars, le 12 avril et le 10 mai. Et pour le 12 avril et le 10 mai, Stéphane vient de dire qu'on changera d'endroit. Voilà, le 12 avril et le 10 mai, donc, je pense que Alexis fera la mise à jour sur Internet. Ça sera en salle 10 au site Jourdan, 48 boulevard. Jourdan. Est toujours disponible. Ça peut intéresser d'ailleurs à la gestion de ça. D'ailleurs, technique et environnement, donc Colloque et Ruche, les 6 et 7 septembre prochain.